Cette émission est une présentation de RZO. Pour plus de podcasts et web télé, rendez-vous sur rzoweb.com. En direct de la Casa del Vero, vous écoutez l'épisode 9 de la saison 2013-2014 de la soirée du podcast. L'alignement de départ pour le match de ce soir, le numéro 75, Jean-François Comte, le numéro 21, David Thibodeau, le numéro 7, Martin Véro et le numéro 98, Alex Galipo. Hey! Yeah! T'avais-tu prévu le Casa del Vero? Ouais. C'était-tu noté sur ta feuille? Non, mais c'était dans ma tête, là. Ben bon, tout, ça germait. Ben ouais. bonne après-midi. T'as pas dormi de la nuit, toi, t'as pensé à ça toute la nuit. J'ai passé ma soirée à brainstormer juste sur ce petit bout de là. Je vais appeler belle nuit. Une vraie tête de hockey. La soirée du podcast de discussion ouverte sur les activités du Canadien de Montréal et de la Ligue nationale de hockey et également des Olympiques. Et on vous en parle avec passion et boisson. Et un petit peu de l'eau. Et ouais, un petit verre d'eau comme ça. Là. Parce que là, on enregistre début après-midi. On est chez Martin aujourd'hui sur la route. Ouais, ouais. Puis on va commencer en s'excusant pour le petit délai entre les deux derniers shows. Là. Il y a eu comme un mois et demi d'attente. Là, on s'est chicané puis on est revenu ouais, ensemble. C'est ça, on avait des différends. Vous avez tous été benchés pour mauvaise utilisation de votre temps de glace. Quoi? Quoi? On a été benché parce qu'on a été mal utilisé, tabarnak. Ouais. Fait qu'aujourd'hui, le podcast va être un peu spécial. Là. On a à peu près un mois et demi à couvrir pour le Canadien, mais on est également dans notre spécial Sochi 2014. Fait qu'on va parler de hockey. Faut venir en arrière, puis après ça, revenir. J'aimerais bien ça que tu me dises Sochi. Sochi. Avec un T. Sochi. Avec ou pas de T? C'est Sochi. Dis-moi avec un S, ça fait ça, cheese. Petite précision, aussi, là, on enregistre, on est samedi, puis la game finale Canada. Hein. Comme en anglais, ils disent pas genre Sochi. Sochi. Sochi. Sochi. Sochi. C'est quoi qu'on est supposé dire? On sent en Chris, on dit Sochi, that's it. Sochi. Fait que, ben, ouais. Boom. Sochi, tabarnak, Sochi. Il y a un média français qui traduit tout en français, fait qu'un goal, c'est comme une intervention. Ben. Ouais, puis en fait, Dustin Brown, c'est Dustin Brun. Arrête, là. Mais non. Ouais, c'est ça, matin, nouvelle. C'est impossible, ça. Tu peux pas faire I'm ça. I'm kid you not. Dustin Brun. Ouais, puis c'est comme le Canada a gagné par un goal. Comment on dit ça en français déjà? C'est but. Un but. Ouais, mais Dustin. C'est pas un but, ils l'ont traduit de l'autre façon. Mais si tu traduis Brown. Un but, t'es le but. Tu aurais traduit Dustin, genre poussiéreux. Je sais pas. Poussière brune. Wesh. En tout cas, je veux. Tu perds ton impact, hein, quand tu t'appelles poussière brune. Poussière brune, là, la pâte. C'est but poussière brune. Pas mal moins intéressant, là, d'avoir ce premier trio poussière brune. Premier trio. Poussière de lune. Fait que contrairement à d'habitude, on va passer probablement une période sur le Canadien, puis on va se garder deux périodes pour parler des plus Olympiques. Plus de sujet pour les Olympiques. Fait que je propose qu'on parte le show. Ok, pardon, je pars donc. Et on laisse tomber la rondelle dans le milieu de la patinoire comme ça, et puis on commence. Allô? Bonjour. Dave! Oui. Parle-nous donc des stats du Canadien présentement. Là, on est en pause de hockey. Oui, mais juste un petit problème. C'était quoi le dernier podcast qu'on a fait? C'était à peu près quelle date? Une semaine avant qu'on aille voir les Canucks. Oui. Ben, on allait voir le 6, donc ça tomberait le 29. Peut-être même deux semaines avant ça, peut-être. Ça remonte à loin des hosties game plans. La série de défaites. Là. On n'est pas obligé d'y aller game par game. Vas-y donc pour les stats générales. Présentement, les Canadiens, on est en quel rang? On a combien de victoires, défaites? Bon, ben, Stigarde, si on parle du rang du Canadien. C'est qui est pas prêt. J'étais très prêt. La page à l'autre. Là. Ben la non, page à l'autre. J'étais pas dans cette page-là. Présentement, Canadien est troisième dans l'Atlantique. Oui. Okay. Avec 70 points, 32 victoires, 21 défaites, 6 défaites en prolongation, 59 games de jouer. Et quand on est parti, on avait gagné combien de matchs? C'est une séquence? Oui, on a une séquence de 3 victoires. Ah. Last 10, 5, 4, juste pour remettre le monde 1. Dedans. Ouais. Ben là, on va y aller un peu plus général. Là. J'ai 3 général sujets. Tao. Général Tao, Général Tai, dépendamment du côté. Tao, c'est bien meilleur. Ben, commençons par notre dernière acquisition. On va plugger les étoiles d'Asie. Parlons de notre acquisition Superstar. Dale Weiss. Le petit blondinet avec la gueule de merde. Ah, il a une gueule de champion. Allez voir son Wikipédia encore une fois. Il a une gueule de quatrième trio. Okay, ça prend temps, ça prend une gueule pour ça. Ben ouais. Bon, tu sais, le nez pour un petit pain, là. Non, mais il n'y a pas de joueur qui ressemble à ça qui joue sur le premier. Il a le nez d'un petit pain, d'ailleurs. Je sais pas. En tout cas, Diaz a été échangé. L'échange de Diaz, ouais, ouais. Commençons par l'échange de Diaz. Ben, ils ont échangé un choix d'Olympique. Ouais, ouais, hein. Ouais, pour la Suisse. Ouais. Ben, qu'on pousse. T'sais, tu prendrais-tu un choix de Lettonie dans ton équipe? Ouais, non. Mais. Oui, attention, les Lettons, là. Oui, il est-tu aux Olympiques? Ça te dit aux Olympiques? Ben ouais, lui là, man, pour c'est vrai, malade, c'est fucké, man. Wow, c'est-tu vraiment lui? Ben oui, ah ouais. Tout, je vois ça, ça dit aux Olympiques. Il y avait quel âge? Genre mi-quarantaine quasiment. Ah oui, c'est lui. Mi-quarantaine. C'est capitaine. Ah, ben oui, Chris, c'est sûr, c'est le gars qui a plus d'expérience dans la Ligue nationale. C'est le seul connu dans l'équipe. Je suis surpris de l'avoir. Lui, peut-être Nolan. Ouais. Ah ouais, ben ouais. Ah ouais, plus, ouais. On reviendra tantôt sur la game des lettres. On va tout aux Olympiques, là. On parle du Canadien. Non, mais Weber. Diaz, bon, mauvais trade. Je suis un fantôme suisse. Ben, vraiment un bon trade. On s'en calisse, dans le fond. Non, c'est un bon trade. C'est un trade pour rajeunir ta quatrième ligne. Parce qu'on a vu de Weiss à date. C'est une bonne trade. T'es allé remplacer un Parrose qui n'est pas capable de patiner, dans le fond, puis suivre la game. T'es allé préparer pour remplacer aussi un Bowen qui ne suit plus la game. Ben non, moi, je sais pas pourquoi. Montréal, là. Ils sont bandés, Mohan aussi. Là, pour vrai, là, ils ont toujours aimé Mohan. Ils font jouer. Ben, cette année, l'année passée, c'était de la merde. Ben, cette année, il est bon. Mohan, cette année, il est correct. Ouais. Passée, il est correct. Ouais. Il est correct. Mais ben, là, Diaz, Gabo, lui, a pris la place de Diaz. Art l'éternel insatisfait. Non, c'est pas ça, c'est que. On n'avait plus besoin de Diaz. On n'avait plus besoin de Diaz, puis on a besoin des plus gros. Fait qu'on avait Beaulieu à cette heure qu'il a clairement pris. Ouais, le Beaulieu était remonté pour prendre sa place. Clairement pris la place de Diaz. Donc après ça, fait qu'on a besoin de quelqu'un, on a besoin de fucking grosseur. Fait qu'un joueur quatrième trio, man, pour de vrai, c'est bon qu'on ait eu. Non, c'est bon parce que le gars, il a du patin, puis. Au moins, on n'a pas eu un assis de choix sixième ronde, puis on peut pas rien faire avec. Au moins, on a eu quelque chose. Il est rapide, puis je pense que ça fit bien avec depuis White. Depuis qu'il joue avec White, le quatrième trio, ça marche bien parce, parce que les autres, ils patinent gros. Pour moi, White, ouais, c'était comme la tête brûlée du Canadien. Ah, moi, j'ai toujours aimé ce joueur. Depuis qu'il est revenu, cette année, je trouve qu'il s'est White. Il a beaucoup changé. J'ai toujours aimé, moi, l'énergie qu'il amenait. Puis il prenait des mauvaises pénalités, oui, c'est vrai, mais je veux dire, c'est comme un chien fou, ce gars-là. Fait que, tu sais, il courait partout, puis il faisait des niaiseries. Tête brûlée. Ah, mais il est cool, j'aime ça. Ça en prend un dans ton team. Ouais, ça prend. T'as tout le temps besoin d'un gars qui va pogner une mauvaise pénalité pour faire perdre ton équipe. Hey, c'est arrivé l'année passée deux fois. Là. On en revient au monde. Fait que Nathan Beaulieu qui est remonté, qui a pris la place de Diaz. Beaulieu, es-tu prêt? Pensez-vous qu'il est prêt? Excusez. Juste avant, on a des invités à présenter. On a deux téléspectateurs. On a deux spectateurs dans la place. Un gros public. On a Seb Robert, puis on a le frère Alex. Gabriel. On nomme juste les deux personnes. Qui ont très gracieusement gagné notre concours pour assister. On l'avait dit. Et voilà, ici on a Gabriel. Ceux qui nous écoutent live auront vu leur visage. Donc, c'est ça. On est plus stressés là, parce qu'on a plus de fans que d'habitude. Ça se peut que le show soit un tabarnak. Ça sonne le cul, c'est pas de notre faute. Bon. Revenons on à On est Nathan. Comme le Montréal en powerplay à la maison. On est comme sa pression, puis on a peur. Là. Tout là, tout le monde crie chou, chou, on sait plus quoi faire. Parce qu'on joue avec le micro serré. Là. Micro serré. Ouais, revenons à Nathan Beaulieu. Est-ce qu'il est prêt à monter? You can do that. You can do that. You can't do that! Un petit délai. Il était pas sûr, je pense. J'ai juste lagué correct. Il y a eu un petit lag en bas. Pénalité pour avoir retardé la game. Ben, cabotinage. Le petit Nathan, moi, je suis bien content qu'il l'ait monté. Ouais, c'est cool pour vrai. Parce que sérieusement, il va prendre l'expérience dans la ligue. Puis, non, je pense que c'est fait. Là. Je pense que son poste dans la ligue. Il va rester. Oh, ouais, c'est ça, je pense que c'est fait. Tu t'es débarrassé de Diaz pour monter ce jeune-là. Je pense que ce jeune-là a beaucoup plus ben de oui. potentiel que Diaz. Ben, Diaz, là, on l'avait pris pour remplacer Weber. C'est ça. Et, puis, ah, mais tu tiens-tu l'année passée? Il était supposé là. Avoir un shot. Puis il y en a une shot. Il y en a une shot. Mais on n'en voit pas. Ce que je trouvais écœurant, c'est que Diaz s'était en allé avec les Canucks pour aller voler le poste à Weber. La première game, il compte un but. Puis c'est ça le score. Non, mais Diaz a une shot. Il a tout le temps une shot. Puis c'est un gars qui avait une bonne première passe, pour vrai, je trouvais. Mais... C'était pas un mauvais joueur. C'était pas un mauvais pas joueur, mauvais. Mais c'est parce qu'en défensive, il était vraiment passif. Puis non, en défensive, il était bon dans les coins. Puis c'est pas... C'était pas bon en défensive. Il était pas c'est safe. Pas, il était pas solide. Il était pas solide. Il était juste pas robuste. Puis c'est pas pour ça qu'on l'a pris. C'est pas le gars qui va aller jouer dans les coins. C'est un défenseur suisse, c'est dans la lignée des Diaz, comme on a eu avant à Montréal. C'est un passeur, c'est supposé être un shooter sur le deuxième power play. Ouais. Puis avoir un bon. C'est pour relancer ton attaque. Non, mais quand Souban n'était pas là, c'était Diaz qui prenait la place de Souban. Tu tiens-tu l'année passée Diaz avec Markov en power play? Il faisait rien. Non, oui, il faisait de quoi? Parce que tout le monde l'a censé. Diaz, c'était la belle invention qu'il n'y avait pas eu depuis un crise de. Non, mais il était top pointeur dans le Canadien l'année passée avec Markov. Ouais, c'était la meilleure paire de def après le lockout. Mais c'était Markov qui l'améliorait. Markov, c'était amélioré tout le monde avec qui il est passé avec. Sauf que là, Markov. Là, il mange son pain noir un peu plus. Toi, tu manges des chips. Ouais. Markov mange son pain noir. Moi, Markov, je trouve qu'il joue bien encore lisse. C'est bon, ça. T'es ralenti, là, par exemple. Je suis pas d'accord. Dit-il la bouche pleine de chips. Dit-il la bouche pleine. Non, non, non, Markov va pas ralenti, même. Parlant de ralentir, excellent segway. Alex, t'avais un petit sujet, tu voulais dire. Tu sais qu'on parle du ralentissement de Souben depuis qu'il fait Team Canada. Mais ben t'as-tu dit segway? Je dis tout le temps segway, Dave. C'est... Depuis des lunes que je dis ça. Un segway, c'est pas une affaire genre comme un. C'est une affaire à deux roues, là. Ouais. C'est pour te transporter d'un sujet à l'autre, là. Comment suivez la game, les gars. Suivez la game. Tu prends une affaire à deux roues. Transporter un sujet. Ouais, c'est ça. Hey, c'est peace. C'est peace on a stick, ça, mon gars. Ça marche. Je veux pas aller dans les Olympiques tout de suite, là, mais avez-vous vu comment les joueurs se faisaient transporter jusqu'à la patinoire? Soit qu'ils marchaient avec leur patin dans la rue, ou il y avait des petits cartes de golf pour se faire amener un par un, là. C'est sûr, c'est divas. Ils sont où les boss, là? Promène en bicycle. T'es à 7 millions par année, puis tu t'en vas aux Olympiques à Sochi, que le monde crève de faim. Tu marches pas. Le monde crève de faim. C'est 50 milliards qu'ils ont mis pour les Olympiques. Il aurait pu prendre un petit boss pour amener les l'équipement. Sochi, c'est un genre un centre de villégiature. C'est une station pas marde. Il y avait 4 maisons, même, puis des champs. Ils ont rasé une soirée. De toute façon, Sochi, dès que les Olympiques sont finis, c'est la méga récession là-bas pendant des années. C'est comme une ville fantôme que tu vas pouvoir aller visiter, putain, waouh. Oh, des années. Moi, j'ai l'impression de Tchernobyl. Non, ça va être une ville fantôme, là, loadée de snipers. Okay, c'est partout. On va envoyer tous les gays à Sochi. Revenons sur Souban. Alex, Souban. Ouais, Souban. Ben oui, effectivement, vous avez. Ouais, on va être un goulag à gay. Ah, ralentissement de Souban. On salue les gays en passant. Ah non, on a rien contre les gays. C'est correct. Là, c'est... Pas le droit de parler de ça ici. Il y a des snipers qui nous checkent. Poutine serait pas content. Poutine nous écoute en direct. Il y a ça avec ça, c'est l'agent du KGB là, qui écoute le show. Là. Hey, Poutine, il a-tu mis un drapeau avec plein de couleurs, lui, à Moscou? Ah non, Poutine, je sais pas. Sur le Kremlin, là. Mais revenons-en au Canada. Ça existe pas. Pour Poutine, le drapeau gay, ça existe pas. Non. Poutine, dans ses temps libres, là, genre, là, il lave des balles. Là, t'sais, là, genre, des balles de gun, là, il les essuie, il est poli, genre, là, pis des balles d'argent. Là. On peut-tu parler de hockey, calice? Qu'est-ce que c'est, ces balles d'argent? Ça va tuer des vampires? C'est quoi? Des balles en argent, c'est... Non, mais ça, c'est parce que, tu sais, il fait des petits mais... dedans avec c'est des loups-garous! Si vous voulez pas qu'on parle du... Si vous voulez pas qu'on parle du ralentissement de Souban, on va aller à un autre sujet, là. Ah. Ouais, le ralentissement de Souban, ben Souban, il a beaucoup ralenti des Olympiques. Non, mais parce depuis qu'il a été nommé aux Olympiques, man, il est vraiment pas le même joueur qu'en début d'année. Puis vraiment, il était vraiment pourri. Mais c'est une coïncidence, là. OK, je te nomme, là, t'es candidat pour les Olympiques, qu'est-ce qui te fait ralentir tant que ça? Je sais pas, on dirait que parce qu'il y avait quelque chose à prouver. Puis là, une fois qu'il a été prouvé. Non, ben, non, mais il y avait quelque chose. Il voulait faire tellement le team qu'il y avait quelque chose à prouver qu'il se démenait, on dirait. Puis là, quand il a été nommé, ça fait comme il y a un relâchement. Non, Souben, c'est Souben. Souben, c'est un gars qui joue, c'est un gars qui joue avec énergie. Puis il fait des niaiseries de temps en temps. Non, non, à la fin, il jouait même plus avec énergie. Il faisait plein d'erreurs. C'est un mauvais timing. Je pense qu'il a peut-être ralenti. Point. Il aurait peut-être ralenti même s'il n'avait pas été nommé. Il y a un slope. C'est le gars qui joue. Le timing, si ça a été. Ah, mais Alex, c'est le gars qui a plus de temps de glace. Le gars, il est nommé, genre, aux Olympiques. Tu penses, toi, qu'il se relâche? Là. Ben, je pense qu'il s'est relâché un peu. J'ai ma place aux Olympiques. Ouais. Non, moi, je pense. Je pense qu'au début d'année, il voulait tellement. Je pense qu'à la fin, ça a fait un petit psychologique. C'est pas parce qu'il veut. Je pense pas, ça donne de même. Puis Souban, il fait une coupe de niaiserie. Puis ça fait partie non, de son mais style ça, de jeu. Ça, je suis d'accord. Mais je trouve que. C'est pour ça que je joue pas à Sochi. Il y a un slope. Ben, sérieusement, OK. On regarde ça pour Sochi tantôt. On regarde ça pour Sochi. OK, c'est bon. Mark, une chance qu'on ne suit pas plus qu'une ligue à la l'idée, on écoute JF. On fait une ligne à l'autre. Olympique canadien. OK, c'est bon, reste focus. JF, contrôle-nous. Parle-nous de Souban, JF. Non. Toi, tu trouves-tu qu'il a ralenti? Ouais. Non. Tu poses la question. Non, là, c'est juste moi qui trouve qu'il a ralenti. Ben, c'est ça. C'est pas qu'il a ralenti, Souben, c'est qu'il fait. Pas qu'il a ralenti, il fait des mauvais moves, il fait des conneries, il joue lazy un peu plus. Là. Regarde, il a joué moins bien. C'est le gars qui joue le plus à temps de glace. On se dira pas ralenti, on va dire qu'il jouait moins bien depuis sa nomination au Team Canada. Ah, oh, mais c'est un addon, sacrément. Le monde, ils mettent ben trop l'enfance sur Team Canada. C'est sûr que si tu compares avec Price, ça, qui a été la première étoile de la Ligue nationale à la dernière semaine. Lui, il a levé sa game. Lui, il a levé son jeu en tabarnak. Ouais, mais c'est sa meilleure saison à vie. Ben oui, c'est ça. Là, oui. Je c'est dis, ça. C'est... Sauf que, de hey, là, les, dire, les gars, les gars, les gars. Je serais pas prêt à dire que Souben a ralenti à cause qu'il t'a nommé. Price ou Alak? Hey, garde ça pour les Olympiques. J'ai pas le droit de dire ça. Là, on a plus le droit. Il faudrait mettre en feu l'arrêt stop de Alak. Non, non. Stop. Mais si Price gagne la médaille d'or, je vais plus jamais entendre ça. Ben, on aurait pu avoir entendu ça, point. Okay, ah, parce que le mode, on va en reparler tantôt. Hey, non, mais t'as un petit peu. On peut-tu quand même changer de sujet à droite, là? Ouais, ok. Il y a eu une série de 4 défaites du Canadien, puis sur le net, ça s'est enflammé. Tout le monde voulait sacrer Terrien dehors. Ah. Encore une fois, fireterrien.com. Non, mais c'était fucké, ça, mais même... Hey, check, Team Canada, ils se font coacher par Babcock, qui est supposé être le meilleur coach ever, là, ouais, OK, là. Puis, gars, Asti, il score combien de buts, Team Canada? Pas tant que ça, les derniers. Un but, deux buts, Asti, en moyenne de 2.6 buts, là. Fait que, fuck it, man, Asti, là, ça n'a pas rapport, là, t'as rien, là, puis commencer ben, à... mais les médias sont hey, fous, on a, même François Gagnon, tout le monde, mais à un moment donné, là, il y avait vraiment un buzz, il est dû, dans les médias, là. Non, mais on a un team de milieu de peloton, là. Après la défaite contre les Capitals, c'est Bertrand Raymond qui disait, il y avait plein de journalistes qui s'avaient fait mettre sur le stand-by pour dimanche, parce qu'il disait, le dimanche, journée congé, la Terre va se faire mettre dehors. Ah, ben, il y a plein de journalistes qui étaient sur le stand-by, étaient sur le stand-by. Ah, ils ont toffé, là, des joueurs, là, comme... pas des joueurs, des coachs comme l'autre qui était là avant, là, le style de bonhomme appaillé. Ronnie Cunningworth. Mais non, lui, il compte pas. Lui, il compte pas. Jacques Martin. Jacques Martin, ils l'ont toffé combien de temps? Pingouin, Asti, appelle-le comme tu veux. Là. Mais c'est ça, en plus. Là, on la statuette de cire. On est un team average, puis on est en troisième rang présentement. Mais c'est parce que dans le passé, pour le vrai, il y a pas mal. Si on a regardé la même philosophie qu'avant, les coachs auraient fait mettre des hauts. Après 4 défaites. Ouais. Il y a plein de coachs qui s'en fait. Moi, je pense que c'est une mauvaise affaire. Carbonneau, s'il va mettre dehors après 4 défaites, tu penses? Ben non, wow, calme-toi, ça prend un slope pas mal plus deep que ça. 4 défaites, t'as fait. Non, pas dans le passé, ça prend. C'est pas 4, voyons. Oui, oui, plus. Ben, non, mais c'est parce que comment. Tu mets un coach dehors après 6-7 défaites collées, là. Non, là, tu commences. Au Canadien, c'est parce qu'on voyait que le Canadien descendait, puis on gagnait des matchs par lock. L'année Carbo, on méritait pas de gagner, puis on a eu 4 défaites dessus, puis Carbo s'est fait mettre dehors. L'année Carbo, c'est on voyait que l'équipe s'en allait down, là. Il avait perdu son vestiaire, ça faisait un peu. Vas-y, Dave. Il y avait quoi comme saison le Canadien quand Carbo s'est fait clairer? Il était quand même pas pire, le Canadien, au début de l'année. Il était parce que la bon, première année, Carbo est arrivé, puis on a fini premier. Genre. Ouais, puis après ça, il y a eu un slump l'autre année d'après, puis ils l'ont crissé dehors. Ah, mais ça, c'est normal. Quand t'as un nouveau coach, t'as tout le temps la période, là, c'est la lune de miel, tout va bien, les joueurs, ils pognent un un regain d'énergie. Ils veulent gagner, ils veulent jouer pour le coach, une nouvelle philosophie. La calice de lune de miel. Ben, gars, celle de Terrien est finie, OK, on s'entend. Puis là, il faut juste qu'il garde son vestiaire. Tu sais, Terrien, je pense qu'il a perdu son vestiaire à moitié. Puis je pense que c'est ça qui fait qu'il paraît mal, puis il a l'air de faire des mauvais moves. Non, mais ben, quand pression. Il y a eu le speech, c'est Bergevin rentré après la défaite contre les Capitals de 5-0, qu'on a eu comme, je sais pas, 3 tirs en 2 quand périodes. C'est Bergevin qui est obligé de rentrer non, Bergevin dans le vestiaire. Non, Bergevin est arrivé, puis il a dit au gars qu'est-ce qu'il a dit? En tout cas, il a dit que Chris, vous allez tout faire face aux médias, ça, tout le monde le sait. Mais en même temps, c'est sûr qu'il a dit. Puis il a dit aux médias que le coach, ça va pas nulle part. You either fucking play like we want you to play, ou sinon vous allez juste grind. Si vous êtes pas content, si, vous allez quand même. Le coach va rester là pendant 5 ans. C'est fini de changer de coach, ça, tous les 2 ans. Il l'a dit, c'est fini. Sauf que si t'as pas, qu'est-ce si que ça l'a emmené aux Canadiens depuis 10 ans, pas, on a fait ça. Si ça marche pas, c'est la solution la plus facile, puis c'est ça qui va arriver. Non, pareil. Mais ça arrivera même pas. Si ah, mais est-ce que ça marche pas? Moi, je pense pas que c'est la solution. C'est un changement, mais toute mentalité. C'est pas que c'est la solution, mais c'est tout le temps ça qui se passe pareil. Non, mais là, ouais, depuis 10 ans. On verra si mais il a dit, c'est fini. C'est Alex, dans la Ligue nationale. Non. Non, non, mais. Les Canucks ont perdu 8 matchs de suite, Asti. T'as-tu vu Asti, l'autre Tortorella se faire mettre dehors? Tortorella, il est là première saison. Toutes les équipes ont c'est des c'est rare en tabarnak une première saison que tu te fais éclairer. C'est vraiment. La Violette s'est fait mettre dehors pour les filer parce que Chris il était dernier pendant longtemps. Ah, mais ça faisait 3 ans, 4 ans, puis là, il fait pas les playoffs, puis les autres, ils capotent. Mais nous autres, 4 matchs, man. Là, une mauvaise séquence, puis 4 défaites, on a commencé tout de suite en apparence. C'est pas normal. Alain Vigneault, il n'y a pas eu de slump avec les Canucks. C'est fait que Chris est dehors pareil parce qu'il n'a pas gagné de Coupe Stanley. OK, mais là, à un moment donné, il faut changer. Il avait fait son temps. Parce que là, c'est parce qu'à un moment donné, les gars, ils perdent leur leur vestiaire. Les coachs, ils perdent leur vestiaire. Puis les joueurs, ils sont tassés. Ils ont vraiment perdu son vestiaire, man. Non. Sérieusement. Qui ça, tu parles? Les Canucks. Non. Hey, Chris, man, c'était quand même une équipe parce qui que était dominante. Les Canucks, ils ont eu leur fenêtre d'opportunité de gagner la Coupe Stanley. Puis à passer. Puis là, ouverte entre ouvertes. Non, mais ça arrête de se fermer en tabarnak. Oui, c'est ça. Ils ont la misère à faire les séries, man. Mais il faut qu'ils changent de coach. Ouais, mais t'as peu. Slacker un coach, c'est un DG qui sauve sa job aussi. T'sais? C'est comme, je fais du mouvement parce que je veux montrer que je fais de quoi. Je vais sauver ma job à moi en slackant mon coach. Yeah, that's it. Ouais, mais tant qu'ils ont les CDM, tant qu'il y avait les CDM puis tout, ça c'est leur fenêtre. Fait que là, les CDM s'en viennent vieux. Tout le monde s'en vient vieux. Je sais, mais tout le monde s'en vient vieux. Le noyau qu'ils ont pris tant de temps de construire, c'est là ta fenêtre de gagner. Fait que c'est pour ça qu'il a fallu le mettre dehors parce qu'il était pas capable. Ben, t'as des contrats qui reviennent, des signatures. Faut que tu renouvelles. Ça, c'est pas pareil, ça. Mais avec Terrien, on sait que ça va prendre des années. Non, mais on s'entend que le hockey, là, c'est que t'as comme la présidence. T'as le DG, puis après ça, t'as le DG qui essaye de sauver sa job le plus souvent possible. Puis la façon de sauver ta job, c'est pas enlever comme la pomme pourrie de ton vestiaire, c'est slacker le coach avant d'enlever la pomme pourrie. Mais Marc Bergevin, il l'a dit, ça, Marc Bergevin. C'est dommage, mais c'est le même. Là-dessus, je suis d'accord avec toi. Ben oui, parce que. C'est le move le plus facile. Mais Marc Bergevin, il a dit que je ne le ferais pas. Parce que c'est la façon de faire ton équipe qui vole plus vite. Marc Bergevin, il l'a dit. Il dit, depuis Montréal, même en 10 ans, vous avez passé comme 5 coachs. En 20 ans, je pense qu'il a dit coach. Ouais, mais Alex. Hey, c'est un coach aux 2 ans. C'est Alex. Plus, ça vous a apporté quoi? Il dit, c'est fini ce temps-là. Ouais, mais, Alex, si le press descend à le bureau de Bergevin, puis il fait un speech, là, ben, gars, il va avoir un choix déchirant à faire, puis il va faire comme, ben, gars, c'est rien qui va jumper, man. Non, mais s'il dirait, moi, la façon que je vais faire, je ferais plus comme. Je ne mettrai pas dehors, les deux, on va jumper ensemble. Sinon, faut que tu débarrasses de joueurs qui font pas la job. Non, ils sont sous contrat. Encore lisse. Okay, tu fais quoi? Tu gardes tes mêmes joueurs? Ben, man, ça m'en fout, tu joues pas bien. Ouais, c'est bon. Hey, je dis aux joueurs, moi, là, ben non, t'es 4 ans sous contrat, tu veux pas jouer bien, ça me dérange pas. Non, je vais te garder dans mon équipe. Mon équipe, je suis prêt à. On va perdre. Toute l'équipe, ouais, on sera pas si bon que ça. Je suis sûr qu'il va parler à Jeff Molson, dire, gars, prépare-toi à finir un peu plus bas. Puis on va tout être là, les fans et moi on va chialer, mais on va tout être encore là au Centre Bell, il va faire autant d'argent. Puis après ça, c'est comme pendant 4 ans, tu joueras pas bien, puis t'es en crise, puis tu joues pas bien. Après ça, quand tu as signé ton contrat, mais là, t'as juste eu comme 5, 6, 10 buts par saison, ton contrat va descendre. Tu vas finir par perdre l'argent au bout de la ligne. Ok, mais c'est parce que le but d'un président aussi, là, c'est de faire des playoffs puis faire du cash. Ben c'est ça, faut installer ça. En voulant dire comme, oh, tu veux faire ta bitch, puis tout. Non, je t'échangerai pas. Reste. Fais qu'est-ce que t'es supposé de faire, puis si tu joues pas bien, à la fin, tes stats vont descendre. Non, mais tu Alex, moins Alex, à Montréal, là, les séries, là, c'est tout, man. Ça prend les séries parce que Montréal, c'est une équipe des plus rentables de la ligue. Puis quand t'es dans les séries, c'est juste du profit. Ah, mais c'est le même pour tout. C'est sûr que c'est 1 million, 2 millions de profit par mois. Oh, oui, non, toutes les équipes veulent faire les playoffs parce que c'est là que tu fais du cash. Fait que si tu fais pas les playoffs, trouve-moi une solution parce que moi, je veux faire du cash. C'est du profit. Tout le monde. Tandis que toutes les équipes font pas du profit peu parce que t'as des équipes qui font même pas de profit. Je même parle pas séries, des équipes dans la cave, mais je veux dire, c'est comme l'important c'est de faire les playoffs parce que c'est là que. Bon. Reste deux petits sujets avant la fin de la période qui s'achève dans une minute. Dave, je pense que ça vient. Tu veux finir. Avec deux sujets dans une minute, impossible. Check bien ça. Dave, je pense que tu as noté la fin de match contre les Jets. Il y a eu deux pénalités qui auraient dû être décernées quand Gallagher s'est fait obstruer par le goaler. Parle-nous-en. C'est Alex qui a marqué ça. C'est Alex qui a dit ça. Excusez encore. C'est pas juste ça, c'est juste là aussi. C'est que Gallagher. Là, Alex. Avoue que ça méritait de pénalité. Je vois déjà l'image d'Alex qui pleurait dans son salon. Une demi-arnaque, t'as une pénalité. J'ai fait ça de même ce matin. J'ai donné un mouvement de bras ce matin. Pogné la pinte de bien qui a volé sur mon divan. J'ai pris ma paye, j'étais allé jouer au bingo. Non, mais ça, mais j'ai même répondu à Stéphane Auger sur DS. Hey, j'écris jamais de commentaires. Ah non, mais la pire affaire. Mais là, je n'ai écrit un comme dit, mais Asti, man, vous avez tellement eu de dire. Ah, oh, mais tu sais, à cause du caractère de Gallagher, c'était sûr que t'as pas donné de pénalité. Ah non, le ref. Tu viens me dire. Le ref a fait un règlement de compte là-dessus. Ah, et puis là, il regarde. Le ref, c'était tanné de Gallagher. Il regarde en plein goaler, puis Gallagher, puis là, il regarde faire, puis après, il regarde faire stripping, puis tout, puis oh, c'est correct. C'était vraiment rude, là, pour vrai. C'était vraiment pas bon. Mais là, non, mais c'est ça le problème. C'est que non, c'est quoi? Le pire, c'est que Gallagher, il est tout le temps dans les jambes, mais il est pas dirt, là. Ah, mais il y en a plein comme Gallagher. Il y en a plein comme Gallagher dans la Ligue nationale, là. Chaque équipe en a quasiment un dans le style de Gallagher. Gallagher, ce qui fait sa signature, c'est qu'il est tout petit, Chris. Fait qu'elle m'a dit ça. Se peut pas. Mais Corey Perry, c'est la même astuce d'affaires. Il est gros. Il a pas la même shape. Oui, il est gros, mais c'est ça. Mais lui, c'est pas grave. Tu voulais mettre deux sujets d'une minute? Ah ouais, c'est ça. Arrange-toi avec ça. C'est soit que j'en fais un autre ou bien qu'on le refait. Vas-y, Alex, veux finir. Top chrono, Stéphane Auger sur RDS, justement, il disait ça, c'est à cause du caractère de Gallagher. Puis là, moi, j'ai répondu comme Asti, tu viens juste de me montrer c'est quoi le problème dans NHL. Tu te fies sur le caractère d'un joueur. J'ai dit, pas supposé. Le règlement, c'est que Chris, il est pas supposé de faire ça. Parce que t'as un livre de règlement pour lui. T'as une réputation ou quelque chose. Non, mais c'est ça. T'as un livre de règlement pour lui, t'as un livre de règlement pour lui. Dread ça. Fait que ça marche pas. Mais c'est ça. Puis c'est ça qui fait comme amateur, comme ligue de hockey. Ben oui, ben. Ça me fait chier. C'est cheap, Asti, c'est cheap. On en fait. C'est beau vous voir, d'accord. Non, mais ça, on avance souvent. On serre la main. Le coaching, dès qu'il y a matière interprétation, ça marche pas. Ça vient chier la game tout le temps. Ben, c'est ça, les refs. Ouais. C'est, je veux dire, ils jugent, puis ils tranchent la poire où ce qu'ils veulent, puis ils égalisent les pénalités, puis c'est de la marde. Si on fait une émission d'une heure sur des refs, si on n'entend rien. On va pleurer. Amener des activants. Dernière affaire, en fait, c'est pas un sujet. On était au Centre Bell voir une game, les quatre ensemble. Parlons-en un peu brièvement. T'allais voir contre quel match. Je m'en rappelle plus de la fin. On a vu une des meilleures games la saison. Là, sérieusement, on a vu un des beaux matchs parce qu'il y a eu le plus de buts dans la saison. Ouais. Cœur, 5 là. Buts. Mais en troisième, au Mike, on m'a dit, pareil qu'on a parlé pendant un bout puis on écoutait même pas. On a aussi mais vu ça, que... c'est à cause de toutes les maudites bières que tu m'amenais. J'étais comme, non, je veux pas. Oh, arrête, ouais, prends ça. Ben, fuck it, on a vu à quel point Alex est plus sur table. Intoxiqué. Hein? Non, je suis correct pendant la game. Bon, là. Deux affaires. Alex qui envoie promener des jeunes dans la foule. Ah, il prenait pour les Canucks, ça. Genre un autobus du primaire qui est venu voir une game. Il y avait genre 13 ans. C'était weird. Là, il y avait les cheveux longs. Il y avait comme 4 rangées de jeunes en bas de, ouais, en bas de 15 ans. Des futurs coraux rouges. Qu'est-ce que tu fais dans la zone Molsonic? Dans son Molsonex en plus, puis là, il prenait pour les Canucks. À chaque fois que je retournais, puis à chaque fois qu'on faisait un shot ou on comptait un but, je faisais juste me retourner pour les tenter. Alex a aussi dit êtes-vous spéciaux ou vous avez le cancer? Ah, Alex. J'ai pas dit ça. Oui, t'as dit ça, Alex. Non. Oui, t'as dit ça. Alex, ça, qui m'a comme impliqué d'une histoire, puis je me suis reviré, puis j'ai juste vu des yeux, genre terrorisés d'enfants, genre de 6e année du primaire, ça, là, puis j'ai fait comme. Alex, c'est allé trop loin, là. Alex a aussi gueulé après des fans du Canadien qui chantait le Nanana Goodbye. Petite question comme ça aux fans. Vous autres, considérez-vous que le Nanana Goodbye, c'est juste pour les playoffs? Parce que juste toi qui pense ça, Alex. Moi, personne ne connaît ce style d'affaire-là. T'as pas le droit de chanter Nanana Goodbye tant que t'es pas en playoff. Oui, c'est en playoff que t'es supposé. Ben oui, c'est une chanson. C'est ça la chanson. C'est une toute que tu finis dans les 5 dernières minutes. C'est comme une game back-à-back contre Ottawa. Nanana Goodbye until tomorrow. Moi, j'ai juste une règle. Chante pas ça. Ouais, mais moi, j'ai commencé à chanter 5 minutes à l'avance. Il reste 5 minutes, puis il reste un but. Il restait une minute, puis c'était 4 à 1 pour nous autres. Ok, moi, j'ai juste une règle. Je chante pas le nanana 5 minutes, genre, à la fin, quand le goaler, il y a un blanc, parce que c'est sûr qu'on se fait un score. Parce que c'est tellement spécial de venir aller au Centre Bell, faut le chanter. Dernière affaire. Non, mais par rapport à ça, mais t'as-tu quelque chose? Mais moi, j'ai de quoi à dire par rapport à la zone Molsonex. Ouais, vas-y donc. Avez-vous vu ça, l'affaire que... Les jumelles? Les jumelles? Les prix? Les jumelles? Il y a deux filles. Ah, les jumelles qu'il y avait? Ouais, c'était des jumelles. Ah, il y avait des jumelles. Ah, les jumelles qui étaient des futurs obèses? Les jumelles tabarnak. Avec des couettes? Mais non, ils ont monté le prix pour les matchs de la fin de la saison. Ils ont monté le prix dans la zone Motionex à 105$ le billet. Ben voyons, non, David. Boum! 105$? C'est pas un peu. On les a payés 45. Pourquoi 105? Ça fait la saison. Parce qu'il reste pas beaucoup de games. Puis ils se battent pour une place. T'as le goût de payer 105$ pour aller voir une game de 2 à 1? Non. Dans le pit? Non. 105$, calice. Tu sais, genre 105$ pour voir Subban Price? Je trouvais ça vraiment poussé. Là. Dernière affaire par rapport à ce game-là contre les Canucks, il y a eu 2 tirs de pénalité pour Pacioretty. Chose qu'on voit à peu près jamais. Asti qu'il n'y a pas de main. Il n'y a pas de main. C'est un shooter. Il a manqué les 2 tirs de pénalité. Puis Chris, il a fait un taux de chapeau pareil. Ouais, mais il a fait un taux de chapeau dans ce qui est bon. C'est dans un jeu à gang, tout ça. Puis lui, il est beef, il prend de la place, il va au net. Mais tu vois que c'est vraiment pas un gars. C'est pour ça qu'on l'a pas un gars. On a vu qu'il n'y a pas le talent. C'est pas un TJ Oshie, aux Olympiques. Ça, c'est fou. Même Therrien, après la game, il a dit dans son point de presse, je le mettrai pas en tir de barrage. Il l'a dit lui-même. Ah ouais, c'est une craque qu'il a envoyé. Mais c'est cool. Ça avec le c'est sourire. Honnête. Tu peux pas vraiment être forgé contre lui quand il a fait un tour de chapeau en plus. Le deuxième tir, là, qui était super lent. Tu sais, il a arrêté de patiner devant Gauleur. Honnêtement, il aurait dû refaire la même cadence d'affaires que son premier lancé. Parce que le premier lancé, il a raté la cible. Mais s'il avait pogné le Gauleur, ça aurait pu être bon. Mais le deuxième tir, là, il a comme niaisé. Il a même perdu la rondelle. Puis il a tiré du revers ou je sais pas trop. C'est dégueulasse. Ah, sacré Pacioretty. Ah, sur ça, on va faire une entraque. Pour la deuxième période Around the NHL. Around the NHL. retour pour la deuxième période. On va la partir. Oups. c'est bon. Il y a quand même un petit fuck up et on va aller faire le tour de la Ligue nationale. Il y a plus les grelots. Nos grelots, c'est fini le temps des fêtes. ATNH. Ça fond présentement de war. Il y a eu la classique hivernale qui a été jouée entre les Rangers et les Devils. Ouais. Vous regardez? Non. Moi, oui, j'ai checké. Oui. C'est quoi la question? Ben, c'est pas de question. Avez-vous écouté la classique hivernale? C'était ça. Non. Mais on n'avait pas parlé de celle-là de Détroit aussi. Ouais, mais là, il y a eu celle des Rangers contre les Devils. Ah, ça, c'était la Stadium, ouais, la série Stadium. Toujours impressionnant. Il devrait en faire plus des games de même, je pense, dans la ligue. Mais il va en faire plus. C'est le fun, ça rapporte tellement d'argent. Tu vois, genre, des joueurs jouer avec des barres noires. C'était pas aussi cool que le match du Nouvel An, par exemple. La classique héritage. Genre, avec Détroit. Avec la neige. Avec Détroit et la neige, là, contre les Maple Leafs, ça, c'était... Avec 110 000 personnes. Même si j'aime pas les Leafs. C'était un match, ouais. Moi, je prenais pour Détroit, c'est bien correct. Mais ils ont perdu. Ouais, mais je voulais juste parler de Brodeur de cette belle partie. Ah, le petit vidéo qui a passé. J'ai le clip audio de Brodeur. Brodeur s'est fâché après un but, puis on a clairement entendu. Ah, ça allait pas bien, là. Ça allait pas bien. Ça allait vraiment pas bien. Puis tu peux bien rester à New Jersey pendant des années, tu perds pas tes racines québécoises quand même. Non. On va leur faire jouer parce que ça passe vraiment pas vite, là, mais c'est Brodeur qui dit un beau ça gros ça passe très vite, moi, je trouve, au contraire. Ça passe très vite, oui, ça, je voulais dire. Et après un but vraiment mauvais en plus, qui est comme ça entre les pads. Son fameux arrêt qui se met un genou à terre et l'autre genou de bout dans le cas, puis qu'elle passe entre les pads. Un beau stand-up. Là. Ouais, ça passe. Qui est tout souvent de se mettre la mitte entre les deux jambes, tu sais, en arrière entre les pattes, là, parce que. Ça va, c'est ça. Fireball est ouvert. Dans l'épisode 8, on a parlé aussi de John Tortorella qui aimait bien se mettre devant les caméras. Puis le soir même de l'enregistrement, Tortorella a été suspendu 6 matchs. Qu'est-ce qu'il y a de drôle? Ah, ton train là comme ça se mettre en avant d'une caméra, c'est sûr, là. C'est comme. Là, c'est quoi? Tu veux-tu parler de sa lune de miel? Sa lune de miel qui est pas finie. Fallait que t'aies là, hein, Marc? Fallait que tu te penses. C'est comme regarder. Ben, parce que moi et Dave, on a juste échangé un regard, puis les deux, on a fait comme. Ah, ouais. On n'en parlera pas, mais c'était plus fort que nous. Vous avez une belle naïveté, les gars. Ouais. Oui. On est tellement cochons. On est de même. Tortorella qui a été suspendu 6 matchs, 15 jours pour avoir voulu se battre dans le vestiaire des Flames. Il a voulu se battre dans le vestiaire. Tu dois pas avoir le goût de te battre tant que ça quand le premier dans la ligne, là, qui est dans le vestiaire, là, qui est dans le corridor pour aller vers la patinoire, là, c'est comme Meg Grattan qui est là, tu sais. Ah, mais ça, c'était il est comme quasiment à ses pieds, le gars. Là. Hey, il s'est excusé, Tortorella. Ah, whatever. Mais du coup, je pense que j'aurais fait la même affaire, man. Ça restait con, man, de Bob Hartley. Pour expliquer qu'est-ce qui s'est mais lui, il est encore plus con de jouer dans sa ligne. Parce que Bob Hartley a mis sa grosse ligne. Il a mis la quatrième ligne. De gros dur en partant à game. Puis Tortorella a pas aimé ça, Tortellini. Ouais, deux gars de caractère qui sont comme un non, peu mais vieille Bob Hartley, école dans Bob leur Hartley style, l'a joué en aussi parce que les Flames, vu que c'est l'équipe visiteur, c'est eux autres qui annoncent leur... faut qu'ils envoient la feuille avec tout le line-up. Fait que Tortorella, il avait le choix. Il dit, je pouvais même... Il aurait dû mettre sa première ligne. Il disait, fuck off, vous jouerez pas ton jeu. Mais en place, il a décidé de mettre la quatrième. Il a fait la même affaire. Puis en plus, c'est qui Bieksa qui prenait la mise au jeu? C'est un défenseur, là, c'était ridicule. Là. Ça, c'est comme, ok, on va se battre tout le monde. Là. Everybody knew. Là. Ah, faut que tu sois deux pour. Puis après ça, il est fâché, puis là, il s'en va se battre. Là. Il veut aller l'engueuler là, dans le vestiaire. Je comprends peut-être que c'est un gars émotif, mais. Tempérament bouillant. Mais en même temps, il a joué en plein dans le jeu Bob Hartley, puis ben ça a marché, puis ils ont gagné. Ouais, mais t'as vu dans la caméra de corridor, là, c'est le coach des goalers de Calgary qui sort, qui veut pogner Tortorella. Tu sais, tous les joueurs de Calgary retiennent leur coaching staff, ils sont comme, embarque pas là-dedans, tu vas être dans le marbre. Puis finalement, ben, c'est Tortorella qui a eu comme une amende de 100 000 piastres. En fait, Tortorella 12 games de suspension. Non, 6 matchs de suspension. 15 jours total. 15 jours, c'est ça. Parce qu'il a voulu se battre, c'est ça. Il pouvait pas parler avant, pendant ou après les matchs à personne de son organisation. Puis il pouvait pas participer non plus aux entraînements. Ouais, mais c'est bon. Il a joué en plein jeu. Il a pas coaché. Non. Non. Ça, j'ai manqué ça. 6 games de coaching. Mais pas le droit de parler au team, rien. Puis Bob Hartley, lui, a eu une amende de 25 000 $ pour avoir mis ses goons sur la glace en début de partie. Ouais, ça, je savais pas qu'on pouvait avoir une... cave, moi, ça. Hey, Ligue nationale, mais par parce exemple... Parce que t'as le droit de mettre la crise de ligne que ben tu oui, veux partir ça, avec. Puis c'est de la faute c'est à Tortorella. C'est l'autre équipe qui a fait la merde, dans le fond. La NHL, dans le fond, a juste fait comme, bon, ben, faut le punir, lui. Pour balancer. On punit Tortorella. Il y a pas de règlement. Non, mais moi, sais-tu qu'est-ce que ça me dit, moi? C'est comme, vraiment... les sanctions, c'est de la merde. T'as des joueurs comme Patrick Caleta qui ont même pas des suspensions de 100 000 piastres d'amende, puis qui ont pété des joueurs, puis qui ont brisé des carrières. Tandis que Tortorella, il s'est pointé de corridor de vestiaire, puis c'est comme conduite antisportive ou je sais pas quoi, le motif de la suspension. C'est comme ça marche pas, 100 000 piastres. Puis il a tué pense personne. Pense qu'il conduit le contraire à un gentleman. Si, ouais. Non, mais. Non. The gentleman rule. Non, mais tu comprends-tu qu'est-ce que je veux dire? Tu sais, il y a un gars que tu vas le sortir de la saison au complet pour une commotion cérébrale, un coup de coude sa gueule, un esti de coup salaud. Ah, lui, il a même pas eu de coup. Puis c'est 100 000 piastres d'amende. Comment, esti? Je trouve ça cheap. Là, non, mais le pire, c'est que si Tortorella aurait mis la. Si il aurait mis sa première ligne. Coach, montre l'exemple avec un gars, ça glace, puis un star. Anyway, ça brasse, c'est du hockey, ça là. C'est ça. Fucking baseball! Voilà ce qui conclut ce sujet-là. Hey, petite note sur Guy Boucher. Guy Boucher s'en va en Suisse. On sort de la Ligue nationale un peu. Correct. Il a été nommé à la barre du SC Berne de la Ligue nationale A du pays. Il va chercher une job. C'est là que Bob Hartley est allé aussi en Suisse avant d'en venir. C'est le même team? Non, je pense pas. C'était pas le même team. C'était pas Zurich? C'est beau, là. Puis, gars, Ted Nolan. C'est un team de juniors. C'est l'équipe de Suisse. Ted Nolan qui a toujours été. Il y a eu un poste similaire avec les Voltigeurs de Drummondville, les Bulldogs d'Hamilton et le Lightning de Tampa Bay. Mais peut-être pas. Okay. Non, c'est ça, jamais. Ça veut rien dire. En tout cas, il a accepté ça puis il est en vigueur jusqu'en 2015. Il a fait ses classes. Il faut qu'il travaille et il faut qu'il apprenne un gars. Il était pas prêt. Il a fait ses classes, là. Alex, t'as comme t'as passionné du popcorn sur le soundboard ici. Là, puis, là. C'est vraiment dégueu. On dirait ça a l'air. Ça a l'air. Dernière affaire qui me reste pour Around the Nation. Ça a comme déstabilisé Mark Barrett. Ça a l'air. Ça a l'air. Ça a l'air. Je trouvais que ça nous ferait. C'était tellement dégueulasse que j'ai pas de mots. Ça, c'est du beurre, là. Tu sais, beurre à l'ail. Du popcorn, là, vraiment mûri dans les dents. T'as pas le droit de cracher ta bouffe, Alex. Non, qu'il fait ses classes, le gars, puis c'est parfait. Il n'y a pas de classe à faire. Oui. Tu l'as fait, tu le files. Là, il n'y a rien prouvé, ce gars-là, c'est encore. Là. Il n'y a rien prouvé, ce gars-là. Dernier sujet qui va croiser entre la Ligue nationale et puis Sochi. La saison de John Tavares est terminée. Blessure au genou à Sochi. Et là, c'est là que ça va repartir, les discussions. Et là, Gard Snow. Est-ce qu'on envoie nos joueurs à Pyongyang? À Pyongyang, c'est là après ça? Là. En Corée? Pas là qu'il y a les Olympiques d'hiver. Oui. Corée, en 2018. Mais c'est Pyongyang, Corée du Sud. Là. Corée du Sud, non. Puis c'est pas Pyongyang, c'est un autre nom. C'est Pyeongchang. Ouais, je sais pas quoi. C'est Pyeongchang. C'est Pyeongchang. Ils ont de pas neiger bien là-bas. Il y a la fabrique. Oh, oui, on a neige là-bas. Fait qu'à soir, vu qu'on sait pas c'est quoi, on va dire Pyongyang. Pyongyang. Pyong quelque chose, là. Pyongyang. C'est Pyongyang. Hein? Pyongyang. Gang? Parlant de Tavares, il y a Gard Snow qui est vraiment en tabarnak et qui pense que le comité olympique devrait le rembourser. Ben, ou ils ont des assurances pour avoir blessé un coucheur aussi, ces assurances-là. C'est, pour, ça c'est pour ça que Batman ne veut pas y aller aux prochains Olympiques. Ça m'amène à vous poser une question, les gars. Pensez-vous que le comité olympique devrait toujours rembourser les joueurs de la Ligue nationale qui se font blesser aux Olympiques? Ben, absolument. S'ils veulent, là. Ça coûte trop cher. Ça coûte trop cher sur un joueur de la Ligue. Mais c'est pas grave. T'es veux, là. C'est cher en estime, là. Non, les Olympiques, là. Hey, c'est tout du sport amateur, ça, là. Ben, tout le monde, là, ils gagnent durement leur vie, puis ils n'arrivent pas, ils ne joignent pas les deux boîtes. Hey, avant, me lançait, c'est quoi, 98? 98? Salt Lake City, que les joueurs ont plus de ça, c'était en 2002. Les joueurs de la NHL sont venus avant Nagano, ça, là, Nagano, 98. Nagano. Avant 98, c'était tout le temps les joueurs amateurs, c'était pas les joueurs de la NHL, là. Ouais. Fait que, puis ils vont venir à ça, mais tu sais, c'est vraiment pas pareil. Ouais, mais toutes les teams vont le faire, tu penses? Ouais, ben, tu penses que les Russes, ils vont accepter ça? Ben, sinon, il faut qu'ils jouent dans la KHL. Les Russes, ils mangeront de la merde. Si tu joues pendant. Je sais qu'Ovechkin, tout ça, eux autres, c'est plus important la médaille d'or que la Coupe Stanley. Ah, ouais, on a vu ça. Mais, ouais. Ça, c'est un. On en reparlera tantôt dans le prochain sujet. Veux pas, c'est, même le CEO le disait, dans le fond, c'est les joueurs nos plus gros alliés. Les joueurs veulent y aller aux Olympiques. Mais c'est la NHL clair, parce que justement, regarde, là, Tavares se fait payer. Aux Olympiques, là, pour Tavares se fait payer quoi C'est la 6 millions là, par année. Mondiale, ouais, mais c'est cool d'aller aux Olympiques. Tu vas péter l'Autriche, Latvia, puis. Tu sais, genre des noms de pays aussi, que c'est comme ça sonne comme des MTR, ça. Respect, on dit les ITS. C'est les ITS qu'il faut dire. Là. Ouais, bon, excusez, j'ai froissé, monsieur. Come on. Hey, on MTS, pas le, ça existe. Moi, je m'en fous pas le fils de la langue française. Hey, d'ailleurs, il n'y avait pas. Y avait pas c'était pas à Winnipeg, je pense. Ça s'appelle le MTS Center. Ah ouais, en plus. Une affaire de hey, Dave, donne ton avis sur la question. Est-ce que le comité olympique devrait rembourser les teams qui se font baisser les joueurs? Alex, t'as répondu, on le sait. Alex, on le sait, taille. Oui. Oui. Non. Non, man. Non? Non. Il dit juste ça pour dire non, là. Ouais. Parce qu'il n'y a aucune raison de dire non. Hein. C'est non. Pas ton argent. Ben, coudonc. Mais c'est pas la tienne non plus, Chris. Moi, je dis oui. Pourquoi? Parce que pour de vrai, les propriétaires d'équipe, c'est eux autres qui payent les joueurs. Puis c'est qu'est-ce qui amène. Tavares, c'est comme la grosse vedette des Islanders. Ouais, mais c'est le joueur qui veut y aller aux Olympiques. Il peut avoir une drop. Ouais, mais Alex, c'est des conséquences financières. Ouais, mais Alex, c'est les joueurs qui veulent y aller aux Olympiques. Là. Avant, là, c'était voté par les joueurs d'aller aux Olympiques. Là, maintenant, c'est plus avec la nouvelle convention, c'est le président qui décide si les joueurs vont aux Olympiques. Avec le comité olympique. Ouais. Mais les joueurs, ils veulent y aller. Ils aiment ça aller aux Olympiques. Ils trippent. Ils signent un contrat différent. Non, mais ils payent les joueurs européens. Ils veulent représenter leur pays. Le comité, les Olympiques, ils payent des assurances au cas que les joueurs, justement, se blessent. Non, les Olympiques n'ont pas à payer ça. C'est des hosties de millionnaires. Toute la gang, payez donc votre shit, man. Non, mais parce que les autres, le compte du bobsleigh, ils n'ont aucune crise de scène. Non, mais les Olympiques, ils veulent ces joueurs-là. C'est ça qui amène beaucoup, beaucoup d'intérêt à ce tournoi. Non, ils veulent pas tant que ça. C'est les meilleurs joueurs au monde, man. Parce que l'argument ouais, marche pas. C'est pour là ça non qu'ils plus veulent. Tu veux les meilleurs joueurs au monde, tu veux les meilleurs ils sont prêts dans à tous payer les sports, puis tu veux les meilleurs dans le hockey aussi. Ouais, tu veux les meilleurs amateurs, tu veux pas les meilleurs professionnels. C'est ça. Tu veux les meilleurs points, man. Moi, je sais pas, je trouve ça mitigé. C'est comme dans le temps, là, les Olympiques d'été, puis il y avait du basketball. Tu sais, la NBA, quand il arrive encore, là. Encore. Ben, c'est ça. La NBA, quand il arrive là. Tu veux les meilleurs là, joueurs, ben, man. Ouais, tu veux les meilleurs joueurs. Non, je suis mais d'accord avec Dave, mais devrait, si tu veux les meilleurs joueurs, tu devrais payer. S'il y en a un qui se blesse, tu devrais payer. Puis les règles d'hockey international, c'est fait pour le moins possible blesser les joueurs soient blessés. Hey, Alex, tu checkeras le contrat d'assurance d'un gars de la NHL de genre John Tavares. Elle va pogner ça sur il est payé, il est payé full salaire. C'est quoi? Ça doit être même s'il est blessé, il est payé full salaire. C'est juste qu'habituellement, habituellement, c'est l'équipe, les assurances de l'équipe. Là, ça va être les assurances du comité olympique. Oh, c'est pas les assurances de l'équipe, mais en tout cas. Puis c'est eux autres qui perdent l'argent en bout de ligne. Ben, c'était notre sujet qui concluait la section Around the Nature. J'avais pas grand-chose vu qu'on était On était en pause. Pause olympique. Fait qu'on va pouvoir aller faire justement un segment sur les Olympiques. Mais avant, je propose qu'on fasse un bref survol de la carrière de Raymond Bourque. Raymond Bourque a commencé par jouer au hockey bottine sur sa ferme. Il a joué midget 3, bantam 2, B, il était dans A, il a eu deux bébés, il joue à Boston, il y a un esti chart, une coupe de la buse. Voilà. Une coupe de la buse. Et voilà. Ça résume bien. Salut à Raymond Bourque, le seul Bruins que j'ai jamais aimé. Tu l'as jamais aimé? J'ai jamais aimé. C'est à peu près ça, man. Non, j'ai adoré Raymond Bourque, ça. Un des plus beaux. Moi, je l'ai adoré, mais j'ai pas aimé ça qui est Colorado. Moi, c'est ça que j'ai aimé. Mais non, si. Il a été chercher sa coupe. Hey, you go all the way with the team. Non. Comment? T'as une chance d'aller chercher ta coupe, là. Ouais, sais-tu quoi? Il y avait même pas un mot à dire. Je pense que les Bruins ont fait « Va chercher la coupe qui te revient. On te trade. » Il n'aurait pas eu la coupe avec les Bruins. J'étais tellement content. Coupe, hey, ça, là. Hey, il y a eu une coupe, ce gars-là, pour la carrière qu'il a eu. Moi, j'ai entendu du son, là. C'était quoi, c'était quelque chose, mais ça a été coupé par votre enthousiasme sur Ray Bourque. Sérieusement, là, c'est des beaux playoffs que j'ai vus, ça. Je me souviens, quand ils ont gagné, je fais comme « Asti, enfin, ce gars-là va pouvoir lever une coupe dans ses mains. » Le Joe Sakic, il emmène en premier. Ah, ça, c'était écœurant. C'est un des beaux moments de la Coupe Stanley que j'ai vu, moi, dans ma vie. C'était Sakic qui célébrait. Il célèbre pas. J'ai été excessivement touché. T'as pleuré. Ouais, parce que Ray Bourque, pour ça vrai, ça paraît pas, Mark, mais t'es sensible. Hein? Ben, moi, depuis le temps que je le voyais au All-Star Game, là, il faisait comme les 4 tirs, genre, là, ses cibles. Là. C'est le seul qui faisait 4 en 4 à chaque fois. Là. Boom, c'est boom, vrai, boom, c'est boom, vrai. Boom, il couchait toutes les cibles. Avec ses genres, avec comme trop de toupettes, là, ce gars-là, trop avancé, là, le toupette juste flush en haut des sourcils. Al Afrenic. C'était comme un genre de toupette. Ben non, mais il est comme, il est trop fourni en cheveux. Un genre d'André-Philippe Gagnon. Mais t'es juste en avant. Non, mais Dave, il l'a dit, Mark, t'es ben trop sensible. T'es comme Tortorella qui pète une coche. Là, puis moi... qui... Oups, excusez. Tu es dans l'enfer du mal. Tortorella est allé là. T'es comme Tortorella, tu vas dans l'enfer du mal. C'est Raymond Bourque. Le nez dans l'enfer du mal. Le nez dans l'enfer du mal. Hey, mais excuse, tu parles de Raymond Bourque, là, une asti de légende vivante. Là, bon, ouais, là. C'est clair. Et sur ce, on va y aller vraiment. Le là. Soleil me gosse. C'est le temps de faire notre spécial Sochi 2014. Ton thème intense. C'est le thème de Sochi. Tout le budget de la saison est passé sur le thème de Sochi, les gars. Fallu payer les droits d'auteur pour ça, Radio-Canada. Oui, c'est Radio-Can. On est dans le trou. On le laisse jouer, j'aime ça. Ça nous met dans l'ambiance. Ah, j'ai envie de descendre en skeleton. Je pensais que tu allais dire, j'ai envie de descendre qu'il y a une couple de personnes avec... Tu sais, au bobsleigh, avant qu'il parle, il crie là... Le bobsleigh à deux, t'as-tu vu les gars, genre, ceux-là qui ont les manches coupées à moitié des bras, là, les pipe qui ont fait les sables en bras, ceux-là qui courent pis qui. Non, mais ce qui est plus hot, c'est la fille américaine qui se penche comme une fois avant de pousser le bobsleigh pis son affaire fin au milieu. Non, c'est une anglaise. C'est pas une anglaise, ça. Ouais, c'est ça. Pas arrivé cette année, ça? Non, non, ça fait longtemps, ça. Tu vois qu'elle portait un G-string. Là, là, on est dans ça. Hey, là, Alex, t'es tout content. Ouais, j'étais wouh! Il était bien rentré. Il a vu un G. Il était bien rentré. Ben, tu sais, elle a une grosse fesse parce qu'elle court tout le temps. Des fesses de bobeuse. Des grosses cuisses pis des fesses de bobeuse. Ça, c'est-tu du bob à deux? Ouais, c'était du bob à deux. Du bob à deux. Les bob à deux, ils ont encore des plus grosses fesses. Ils courent encore plus vite. Du bob à avis aux amateurs de grosses fesses. Bob à deux, c'est votre sport. Ah, moi, le bob à deux, j'aime bien le bob à quatre. Pourquoi le monde qui joue j'aime au curling... J'aime le skeleton, parce que c'est trop violent. Bob à quatre, c'est juste des gars. Pourquoi les gars qui jouent au curling ont vraiment trop des gros bras aussi? Avez-vous remarqué ça? Ah, oh, ben, tu sais, balayer. Mais comme, c'est démesuré. Hey, tu sais, Jeff, tu sais, passer une mop, là, ça aux affaires de même. Sans arrêt, intensément. Je l'ai fait pendant 10 ans, checkez-moi à shape, c'est fou. Allons-y dans les festivités là, olympiques. Là. Cessons le bob à deux. Parlons, voulez-vous parler général des Olympiques ou on s'arrête juste au hockey? On peut y aller vraiment en wide, là, ça fait partie du sport. Général, tout coup, ben, tu veux parler de patinage artistique? Là, ben non, ben peut-être pas. Moi, je dis la fin de la deuxième, on peut parler général. Puis... On va parler général là, des Olympiques. Ouais, puis en troisième, on viendra parler juste de hockey. C'est ça, parce que là, l'appareil est presque fini. Alex vient nous briser notre fun au bout. La marmotte, man, il a dit la même astuce d'affaires, c'est le même ton. Ben là, voyons donc. Merci. Mark, t'es loin de ton micro quand tu parles. On t'entend pas. Ah, mais il est loin, mon gars. J'ai comme pas de step là. Ben, tu sais, si on y va général, félicitations à Alex Bilodeau, là, qui a encore une fois raflé l'or. Ah, pis les deux sœurs en bas, sur la pointe. Dave, tu veux nous parler des sœurs la pointe? Ouais, les sœurs sur la pointe, moi, regarde. Les sœurs la pointe. Ça, c'est triplé. Je les trouve bonnes. Tu sais, celle-là avec la petite, dans la photo avec la petite lame. Je sais pas laquelle que je daterais des trois. Là, Chloé, c'est la plus cute. Chloé, je pense que oui. La brune, ça, plus? Ouais, celle la plus belle. Ouais. C'est la plus belle des trois. Général, pour les Olympiques, suivez-vous les Olympiques en général? Oui. Ou vous, est-ce que vous écoutez juste le hockey, vous autres? Non, j'adore les Olympiques. En général, je vais travailler le jour. Oui, fait que je suis plus ou moins olympique. Moi, en général, là, on colle ça sur la TV à job. Ah, oh, c'est ça. Là. Moi, le laptop est ouvert ta journée sur les Olympiques. Là. Ben, moi, j'écoute pas mal à job, d'ailleurs. Ah, oh, mais toi, Alex, t'écoutes des films, t'es lis sur Wikipédia. Ah, mais toi, Alex, toi, moi, c'est sûr. Temps, là, toi, Alex, c'est sûr, t'es sur le BS. C'est ça. Ça va bien écouter. C'est un job quand même. Faut que je travaille, prendre mon chèque, faut que j'attende. Mon chèque, hein. Hey, si ben, sa main va être plus grosse. Non, mais j'ai écouté le bobsleigh, le patinage de vitesse, tout le temps intéressant. Sauf ouais, des grosses déceptions cette année, en patinage de vitesse. Mais ça, là, j'ai tout manqué. Charles Lamelin, il a quand même tombé deux fois. Il est tombé, mais il a quand même gagné l'or. Il a gagné l'or au 1500, Charles Lamelin. Ouais. Ah, ouais, il a chié dans la panne, lui, man. Sa blonde, là. Ouais. Ouais. Elle est fatigante, là. Ah, ouais. T'es exubérante un peu. T'es exubérante, pas pire, ouais. Singe-le. C'est une fille de Saguenay, c'est ça. Ah, elle est de Saguenay. Ouais, je pense c'est que une Owain de Saguenay. Owain. Je suis sûr qu'elle est bien fine. Là. Je suis sûr qu'elle. Ouais, c'est ça. Elle doit dire Owain. Owain. Elle doit avoir une soeur qui est coiffeuse. C'est pas Owain. Ça dit pas Owain au Saguenay. Owain. Ça dit plus comme elle. Tu graisseras-tu mes ratis? Mes ratis. Mais tu te graisses tes ratis. Tu revêtis un petit peu de café, mon chou. Ouais. Mais bon. Là, Alex, arrête de faire simple. Ben, pourquoi tu fais simple demain? Pourquoi tu fais simple? Ben, parce que ça me tente. Ah, fait que là, on parlait de quoi? Ben, parle-tu à quel sport t'écoutes tout? Ben, moi, j'ai tout écouté pas mal parce que j'ai comme le laptop d'ouvert à la job. Pis... Même le curling? Bon, j'ai... monsieur a des avantages. OK, il y a un avantage. Le passage artistique, je suis pas capable. Le gars à Radio-Canada, là. Ah oui, le triple accès. Ah, très bien fait. Attention. Alors, ça s'en vient. Le saut. Ah oui, elle a eu la prise. Ma mère, elle fait capoter ce gars-là. Moi, ça me dérange pas le passage artistique. Ah, j'ai pas quelque chose qui me dérange. Je sais pas, c'est comme. Ben, moi, je capte. Il y en a, je le regarde, puis si c'est une performance de Canadien, je vais les regarder, puis je suis capable d'apprécier une belle performance. Sérieusement, je pense que c'est quelque chose qui est vraiment difficile. Toi, moi, ah, non, c'est sur l'exécution, là, c'est vraiment toi, qu'est-ce qui vient plus te chercher? Un triple lot ou un triple accel? J'ai pas le nom. Un triple boule de piqué. Ah, OK, c'est ça. Un triple boule de piqué. Non, mais ça, moi, je l'écoute à la job sur le site de Radio-Canada qui est super bien fait cette année. Tu peux te mettre 4 écrans duplex en même temps. Moi, je vois pas la différence. Fait que j'ai vraiment ouais, mais ça, pour faire ça, il faut tailler un quad-core. Ah, c'est pour ça que j'avais pas une qualité HD. HD. Avez-vous checké la cérémonie d'ouverture? Ouais, j'y vais un peu, moi. Ça, c'est l'affaire. Ça m'énerve plus que le patinage artistique. Ah, moi, j'aimais ça. Ah, mais j'aimais le bout de révolution, là, style. Quand c'était genre les canons, je j'étais à la cage au sport le midi, un vendredi. Fait que t'es là à la cage pour écouter. Tabarnak, ça jouait là pendant qu'on était allé dîner. Shame on you, man. Hey, les boys, on va checker les ouvertures à la cage. Il y avait eu 5 buts pour le Canadien à cause qu'on était allé voir la game contre les Canucks. Bon, défends-toi pas avec Dave, les il va chercher son 4$ de rabais pis ses ailes. Je me défends pas, les ailes à la cage sont chères en tabarnak, man. Pour aucune raison. 8 ailes, 12$. Attends ton portefeuille. 8 ailes, 12$? Ah, c'est cher, Chris. Really? Ouais, c'est cher. Ça vaut cher, mon gars. Je garantis qu'on va pas broadcaster de la cage d'abord, à moins qu'il nous commandite les ailes. Pas la bière, juste les ailes. Non, la cage, je touche pas à ça. 4 girafes. Tu vas plus chercher une genre de petite taverne de pauvres là dans le coin de rue. On va à Saint-Jean, on va au Boc là, on va se faire commanditer. Là, non, même le Boc. Je dirais même là, peut-être même la petite taverne à la prairie là, en arrière de la Pan Shop. On pourrait y aller parce que Michel Lacroix tient là. Notre annonce. Oh, attention, oui. Patinage de vitesse. Max Pacioretty. La fois que j'ai bien aimé à date des Olympiques par rapport au hockey, c'est le score sur le stade où ce que jouent les games. Ouais. C'est fou. Ah ouais, ils l'ont pas mis quand les Russes ont perdu. Non? Non. Non? Ah ouais. Poutine voulait pas, il a fermé la Switch. Télé, elle voulait la face à Poutine quand les Russes ont été. Facepalm. Allez voir notre Facebook. Okay, allez voir sa face. Contre la Lettonie, là, avouez que moi j'ai eu peur un Chris contre la Lettonie. Ah non, attendez, l'après défini, on va. Mais imagine si on s'aurait fait éliminer, man. On a eu la même. On va revenir, Cathy! Ben, Poutine, je suis bien content pour lui, pour vrai. Fine! Je pense que c'est des Jeux Olympiques les plus controversés qu'il y a eu, là. Autant. Ben, je sais pas. Moi, je trouve que. Third period's coming up. Ouais. On pensait être prêt contre la Lettonie, mais l'est-on vraiment? L'est-on vraiment? Je vous laisse là-dessus. Alors, Jean-François qui essaie de repartir un podcast. De partir sur le piton. Pas d'intro pour la période, on commence de même d'abord. Et il a fuck réussi! It. Boom! J'ai réussi à passer. Oh, fuck on! Allez les bleus! Non, c'est le gars au hockey féminin qui fait ça. Commentaire. Bi. C'est Suisse, ça? Non, au Québec. Ben parlons-en du hockey féminin. Le hockey, les femmes qui ont remporté l'or, c'était fou. What a surprise. Mais c'était un asti de fin de match. It was a surprise. Mais veux pas, faut le gagner l'or. Moi, je l'ai même pas écouté. Puis j'ai vu le vidéo là, de la POC qui fasse le poteau. Puis je fais, ouais, c'est vraiment cool. Là. J'ai entendu parler comment ça finit tout ça. On va en parler. Elle aurait dû arriver à haute deux pieds plus loin que le net. Elle aurait même pas dû arriver là. Ce qui s'est passé, c'est que le ref a bloqué un joueur. Ouais. Je pense qu'il a même fait c'est des billets à POC. Parce que dans le fond, la POC s'en venait à la ligne bleue. Puis la Canadienne est arrivée pognée à rondelle. Puis la juge de ligne a reculé dessus. Fait que la Canadienne a perdu la rondelle. Puis l'Américaine l'a pognée. Puis elle l'a shooté. Puis si ça aurait compté, ça aurait été un but. Ça aurait été un but. 3-0, on aurait perdu. Ça fait partie de la game. C'était juste de ligne là, mon gars, elle espérait du 40 pas, man. Ah, mais. Ce sera pas le dernier mot du juge de ligne sur des jambes. Elle comprend le jeu quand même. C'est pas parce qu'elle parle pas les blancs que toi. Justement, elle comprend rien. T'aurais pu chioler à te regarder. Parlons-en de ça, l'obstruction des arbitres. Il y a eu un autre gars aussi qui s'est fait geler au début de tournoi. Il se fait geler, il se relève, l'arbitre le regèle, puis après ça, il rentre la tête dans la porte là, à quatre pattes. Là, c'était tout à fait glorieux. J'ai manqué ça. Moi non plus, j'ai même pas vu ça. Je sais pas de quoi vous parlez. Mais on est en 2014, ouais, est-ce que on pourrait... Un ref, anyway, là, c'est toi que t'as l'occasion, là, si ça se prête, là, tu le gèles, man. Mais dans le hockey féminin, tu sais, les dernières pénalités tout qu'il y a eu, là, les Américains chiolaient en crise parce que c'était un ref british. Tu sais, comment ça qu'un ref british, Steve? Un ref british? Ouais. Mais c'était malade, man. Les deux buts de Marie-Philippe Poulin, ouais, mais la dernière fou, pénalité man. Qui a été donnée US, parce que la fille, elle a donné un coup ses pads, là, du Marie-Philippe gros canadien. Marie-Philippe Poulin, man, qui a compté deux buts pour égaliser le match, puis but gagnant, puis qui avait compté les deux buts en 2010 à Vancouver pour la médaille d'or et tout. Joueur des grandes occasions. Dave, tu serais pas un peu bandé Poulin? Ouais, c'est la seule fois où ça sonne pas trop weird. Ben, c'est sûr que c'est mieux qu'être bandé Brière. C'est pas mal mieux. Ou ben John Scott là. Ouais, mais John Scott, je dis. D'un team, ce gars-là. Ah ouais, là. C'est pas comme Brière. Brière, c'est comme dans un fantôme. John Scott, toi, tu t'es bandé dessus, tu dis, il doit avoir tellement une grosse graine. C'est sûr qu'il y a une grosse guerre. C'est John Scott. Bon, OK, on peut-tu changer de sujet, parler des graines? Hey, des jokes de graines. Ouais, c'est ça. Hey, Babcock, là, il est à une lettre d'avoir une mauvaise graine, ce gars-là. Bon, ben, tant qu'à okay, avoir voilà. Une jokes de graines, voilà. C'est la pire crise de nom ever. Tu sais, tu dois te faire écœurer au primaire, même quand ça s'appelle Babcock. Babcock. Bon cas, Babcock. Bonne joke. Je viens de brûler le show pour le reste. Si ça reviendra pas mieux. Les fans de Détroit, là, des Red Wings, ils devraient avoir tout brûlé les jokes de cock, man. Je pense qu'on voulait plus parler de graines, Barin. Non, mais profitons, comme je disais tantôt, de l'obstruction de l'arbitre pour. En 2014, on pourrait-tu repenser l'arbitrage? On pourrait-tu mettre moins de refs à la glace? Ils ont toutes des genre TV. Genre mettre trois caméras. Moi, je mettrais des juges de ligne, mais à côté des bandes, là, comme en arrière. Ah, puis c'est une bataille. C'est eux autres qui vont séparer bataille. Ah ouais, mais les arbitres peuvent les pas drones, ça, man. Là. Ça prend des drones. Il y en a juste deux, tandis que là, sont quatre. Là, il serait juste deux. Et avant, il sérieusement, la game comme Calgary puis Vancouver, là, il manque. La POC devrait être droppée. La POC devrait être droppée par un bras mécanique. Là, c'est tout genre du monde avec des caméras. Puis les refs, là, c'est juste comme mais ils callent les. Je trouve sérieusement qu'il y a buzzer quand il y a une pénalité. C'est pas mal. Ça prend de la place, man. Ouais. Les refs, ben c'est parce qu'avant il y en avait juste deux dans le fond. Chier. T'avais comme le. Non, t'avais trois refs, t'avais deux juges de ligne. Non, avant, ben ouais, avant ça, t'avais deux refs. Ouais. T'avais comme. C'est ça. Avant, c'est le juge de ligne. 60, genre. Ouais, là, t'es rendu avec. Là, c'est trop, ils prennent la place. Comment un? Ben oui, c'est ça, direct ça. On a des. On a un spectateur qui a une question. Comment en plus, on a un Sébastien ici qui nous disait que lui, il trouvait que les Américaines. Avaient pas comme volé le show. First thing ils n'ont pas volé le show. Non, mais comme si les Canadiens n'avaient pas comme pris la victoire assurément sans. Je veux dire, ça a été la lock, la fin, tout ça, le poteau, puis boum, ils ont été opportunistes. Les Canadiens, avant ça, ça avait été comme. Non, c'était moyen. Mais même on savait quand on changeait d'entraîneur, puis tout, que c'était pour être moyen. Mais. On l'a-tu là ou on l'a pas? C'est ça. Kevin Denis. Non, mais il disait, mettons qu'au Canada, c'était 80 000 joueuses au Canada qui jouaient au hockey. Tu sais, admettons, qui allaient chercher du hockey féminin. Aux États-Unis, c'est environ 60 000 filles qui jouent au hockey dans toutes les États-Unis sur, je sais pas, là, 300 millions. Là. Ouais, c'est pas beaucoup. Puis c'est pas beaucoup, là. Puis fait que quand tu vas en Europe, Finlande, Suède, Russie, même si Russie, c'est une grosse machine de hockey. Mais ça joue pas. Là-bas, ça joue pas au hockey en Europe. C'est vraiment pas populaire. Ils vont aller à du handball et du water polo avant de faire du hockey. Le team féminin Russie, je pense qu'il y a comme 1600 joueurs. Mais t'imagines, Finlande, sont 5 millions de population là-bas en Finlande. 5,5. On pourrait avoir un team Québec, puis on serait comme. On pourrait être très fort. Mais en même temps, pour amener ça au hockey des gars, la Lettonie, a juste comme 8. 18 patinoires dans ce pays-là, puis je pense que... Non, mais c'est ça, c'est pas populaire. Puis... Oh, mais il y a combien de monde en Lettonie? Il y en a pas beaucoup. Ben, c'est un petit pays, ça doit être une affaire mais de 4-5 millions. Mais en même temps, millions, c'est quand même, puis Chris sont rendus en demi-finale. Ouais. Ouais, encore le final. Encore le final. C'est quand même bon, là. Ils ont sûrement pas d'équipe féminine, eux autres. Non, là. Ouais, non. Style goaler, avec ses dents, là, pour elle. Ça, c'était fou, là. Quand faut qu'il fasse signifier, man, le style l'affaire de le sel ou de l'ammoniac pour qu'il se réveille. Comme un boxeur, là, que tu réveilles. Non, mais c'est ça, ils ont fait, là, puis ils ont mis de l'eau frette dans le cou. C'est de l'ammoniac, c'est pas du sel. Non, mais c'est du sel. Un cube de sel comme un cheval, là. Lèche le cube. Je veux dire, là. Il y a les Russes qui ont été éliminés, qui ont chié dans la mythe complètement. Wouhou! Malade, tu dis que c'était beau, ça. Contre l'individu. Le l'individu. De la Finlande, man. Tu dis que c'était fou, man. Ils ont planté les States aujourd'hui. Ouais. J'étais bien content. Le team de Finlande était fou, par plus. Il y avait plein de blessés, man. C'était Niemi qui a goalé la dernière game contre la Suède. C'est Niemi, c'était même pas Rask. Non, c'était Lettonen. Non, c'était pas anti-Niemi. Non, Niemi a pas gaulé. C'était Lettonen. Kari Lettonen. Ah, ok, c'est Lettonen. Qui a perdu contre la Suède. C'était un Finlandais, ce Colis, Lettonen. Ouais. c'est lui que tu parles le match contre la Suède qu'ils ont perdu. Là. Ouais. La Finlande. Hein. La Finlande, c'était Lettonen. Ouais. Après ça, c'est Rask qui est revenu. C'est Rask qui est revenu. Parce que Rask était malade. Ouais, il a pas une gastrose éclair, là, pas être capable d'aller gamer une game avec le brume de Sochi. Il est allé c'est ça. Vu pas l'eau, il y a quelque chose. Ben, sérieusement, si les Finlandais ont pas été dans le coup sûrement pour la game contre la Suède, c'est le fait que Rask n'était pas là non plus. Là, parce que profiter. Ben, c'est sûr que ça il fait des, c'est un petit peu plus de compétition avec Longvist là, quand t'as Rask là, dans le net. Là. Ouais, c'est sûr que ça parce que Rask est fourré. Ils sont pas fait démoler, ils ont perdu quoi 3-1 contre la Suède. Pas non, si pire, c'est là, ça, là, ça n'a pas été. Mais non, c'est ça. Nous autres demain, les battes. Ouais. On se lève tous à 6h45 demain matin, right? C'est ce que j'ai le goût, mais. Ouais, moi, tout. Ben, moi, je le fais. Ben, là, vous avez juste non, à pas le coucher tôt à soir, là. C'est moi, ça. C'est sûr, je me lève de bonne heure, j'écoute la game. Moi, à soir, je me fais une tisane à 8h30. Après ça, à 9h, dodo. Je vais prendre une douche, je me couche, je lis un chapitre du livre que je lis en ce moment, qui est comme un livre plate. Anyway, il y a juste un chapitre. Puis après ça, dodo. Demain matin, je me lève 6h15. Hey, ça, Marc, c'est intéressant. Frais comme une rose. Après ça, j'écoute mon hockey, puis je dis à Caro, bon, on va écouter le hockey. Et voilà. Puis j'ai plugué ma blonde dans le show. Puis hey, tout d'un dit. Puis tu fais une petite sieste en après-midi. Puis après ça, je me recouche. Exactement. Ben, ouais, ça sera hey, un bon match. Par rapport aux Russes, j'ai lu que la nation, bon ou le gouvernement a blâmé Ovechkin pour la défaite. Bon, c'est un choker. Ouais. D'ailleurs, l'équipe russe qui est portée Ovechkin. Disparue depuis la défaite. Ouais, mais Ovechkin a blâmé le coach dans sa dernière entrevue. La seule. Ovechkin, c'est pas en plus de ça, la marde t'est pognée. Hein? La marde t'est pognée dans le vestiaire. C'est avec les coachs, Ovechkin. Hein? Ouais, il peut pas jouer à sa manière. Non, mais l'équipe, c'est comme que. Ouais, mais sérieusement, comme dit, c'est toute une équipe d'individus. C'est tout individualiste. Pour de vrai, ils jouent pas en équipe. C'est non, vrai. Mais, ouais, mais tu avais entendu la fin. La marde t'es pogné dans le vestiaire entre la méthode KHL Ovechkin et la méthode NHL. Ouais. Puis c'est parce que le coach, il coach méthode KHL. Puis les joueurs de la NHL, comme Ovechkin, ils ont comme tout fait un caucus ensemble. Puis ils ont fait hey man, tu gagneras rien en coachant de même. C'est du dump and chase. T'sais, c'est comme dump la puck, puis Adam KHL joue pas de même, puis les joueurs ben, l'équipe les russe sont pas capables. Les joueurs de l'équipe russe qui étaient KHL disaient non, c'est pas de même qu'on joue nous autres, puis les joueurs de la NHL, ils lui ostinaient en disant gars, c'est juste de même qu'on va gagner. Puis le coach, il coachait plus rien, il s'est fait runner par les gars de la NHL. Fait qu'il a fait ben ok, fait ça de même. Hein, t'sais, pis le monde, il jouait pas ensemble. Il y avait deux philosophies de hockey complètement différentes. Ouais, probablement. Ouais, mais... bouchon, ben, pas probablement. La marde t'a poigné dans le vestiaire pour eux. Ben, ça me surprend juste. Puis le coach a dit, là, après ça, dans l'article russe, il a dit moi, mais oui, je vais me faire plusieurs attaques. Il n'a pas été bon, là, pendant. Non, il n'a pas été bon. Le meilleur joueur pour les Russes, c'est Radulov. Puis Radulov, il a tellement pris des mauvaises pénalités. Les gars de la KHL, il a quand même fait des niaiseries. Il a été complètement. Avez-vous vu la game USA-Russie? Ah, ben oui, man. C'est un game match qui a été spoilé contre Emeline. C'est quoi? Ouais, ouais. Match ouais, il y avait de la tension. Ouais. Hot, il y avait ça. Comme la petite tension entre les deux. Ouais, Pacioretty n'a pas joué gros dans les Olympiques. Ben, c'est comme ça. Ben, c'est quatrième ligne, Pacioretty. C'est le Martin Saint-Louis de Martin de Saint-Louis, là, ouf. Ouais. Ouf. Il ne joue pas beaucoup. Ben, ouais, mais c'est dommage parce que la game contre la Lettonie, man, il était tout le temps dans le slot. C'est un des gars qui a eu des belles occasions de marquer. Moi, là. Ce que j'aime voir, par exemple, là, c'est Crosby avec Bergeron. Ouais. C'est tellement beau. Bergeron, ça me surprend que ça n'ait pas marché parce que Crosby, Kunitz, là, ça marche pas. Non, là. Mais... Oh, mais Crosby a eu plein de pairings dans, dans, oh, les mais dans le dernier match. Non, dans mais le dernier match, il a été. C'est ouais, lui qui a le plus de chances de marquer. Non, c'est clair, mais ça, juste, ça fait juste pas rentrer. Ouais, ça n'a pas rentré. Mais Kunitz, là, sérieusement. Lui, il a manqué deux open nets la dernière game. Il a manqué des occasions. Ouais, mais contre USA, il était bon. Hey, savez-vous, c'est qui me fait chier, moi, dans Team Canada pour vrai? Le gars, là, c'est Jeff Carter. Non, moi, là, non, bon, moi celui-là que j'ai vraiment bon, là, un love-hate là, avec, là, c'est Getzlaf. Getzlaf, man, asti, non, je trouve que... Pas, moi, man. Ouais, mais le gars, il ce est comme, avec le Jake... gars, moi, il est comme moi, trop un... puissant. Là, il est capable de traîner trois lettons sur lui là, puis de bouger le puck quand même. Là, moi, un joueur que j'ai aimé voir, là, ses jeux, il mène nulle part. Je trouve qu'il manque de speed. Okay. Man, Carter, man, ça un joueur que j'aime voir là, avec le Team Canada, parce qu'on le voit pas souvent, c'est Jamie Benn. Ah ouais, gros bien, bonhomme, ouais, c'est fou, il est pas vieux là, mais ce gars-là, il est vraiment hot à voir aller. Il est vraiment ouais. Bon joueur là, man. Il est bon, non, il est bon en attaque, il est bon dans back check. C'est du physique, mais il y a du physique, il y a une shot, il y a tout. Mais Carter, la dernière game contre USA, à un moment donné, il a fait un jeu qui a essayé de tout faire du sol, ça a fait un turnover. Après ça, il est même pas venu dans la zone. Corey il est venu Perry. Super tranquillement. C'est comme calice, man. Au moins, donne-toi. Perry, pendant un letton, qui essaye tout le temps de faire son genre de 360 puis se démarquer genre de deux couvreurs, là. Puis c'est comme, man. Fais pas ça, fais une shot sur le net. Arrête de faire de ce type de jonglage avec moi, ça, des ça kicks. Ouais. C'est comme on n'est pas sur le petit soleil, là, man. Non, shoot. Les meilleurs joueurs, ça a été vraiment... Le défenseur, les défenseurs. Team Canada, Vlasic, là, il était cœur. On a une man. Défense de fou. Là, oh, au début, c'était comme, OK, c'est soit Subin ou Vlasic. Je m'excuse, Vlasic. Ouais, ouais. Price a été solide et tout. Pietrangelo, pour de vrai, pour Team Canada... Je pense qu'il est la défensive est malade. Elle s'accroche pour vrai. C'est même Beau Mister, je suis comme... Wow. Solide, ouais. Le gars, là. Ben, ouais, je suis content de l'avoir. Olympique, lui, ouais, mais lui, c'est ça. Je suis content de l'avoir à def parce que ce gars-là, il est relax. Ouais, là, il pas Drew Doughty, là. Ma déception à défense. Quel défenseur, ce gars-là, man. Ben, c'est du quoi? C'est Piqué Souban. Le meilleur défenseur de la ligue. C'est un Piqué Souban. Mais meilleur en défense. Mais comme meilleur en défense, puis fait pas de niaiserie. Pas meilleur en défense. Un peu. Meilleur en défense, comme beaucoup, là. Ouais, moi, mais t'as-tu vu, il monte le puck à la Souban, même à faire des offense. Il fait des petits pivots. Petrangelo et tout fait ça. Petrangelo, moi, je pense que je l'aime mieux comme défenseur que ces deux-là pour All Around. Ben, c'est cool parce all que All Around, il est excellent. Mais on voit tous des défenseurs de l'Ouest, dans le fond. Tu sais, Vlasic, Petrangelo. Après ça, Beaumeister. Doughty. C'est tous des gars de l'Ouest. Le seul gars de l'Est, c'est Souban, dans le fond, je pense. Ouais. Je pense que oui. De quoi ça? Puis je pense le seul gars de l'Ouest, le seul défenseur de l'Est, c'est Souban. Les gars, c'est tous des gars de l'Ouest, les autres défenseurs. Weber, Vlasic, c'est tout à l'Ouest. Ouais, c'est tous des défenseurs. Duncan Keith, c'est Chicago. Hey, lui, par exemple, il a rushé des points. Ouais, lui, il y a des bouts qui a eu de la misère. Des ça, c'est passe pas sur le tête. Il y a Souban à la place de. Ben non, il est pas. Non, tu peux pas enlever. Il est meilleur défensif que Souban. Le seul qu'on pourrait peut-être enlever, c'est lui. Amuse, man, c'est pas fou. Amuse, ouais. Moi, je mettrais Souban à la place d'Amuse. Ben, c'est 7e. Justement, pourquoi tu ne mets pas Souban et tu ne le prends pas en avantage numérique? Ouais. Tu l'essayes pas. Au moins, il a dit une coupe de chiffres. Souban a été en avantage numérique pendant une game et il a été très, très, très timide. Non, mais là, il joue avec plein de vedettes. Il n'y a pas de erreur non plus. Je pense qu'aux prochains Olympiques, Souban va vraiment faire une différence. Là, c'est ses premières fois. C'est parce que là, il n'y a pas de confiance. Il n'y a pas de confiance sur lui. Il joue avec toutes les astuces de vedettes. Non, mais la défense, c'est quoi? Mais c'est quoi? Souban joue pas. Puis je m'en sac un peu sérieusement parce que la défensive est tellement hot là, pour vrai là, c'est comme c'est all-star solide, on pète les Américains avec notre ça tête. Enlève un peu de crédit à Price. Ben, non, ça n'enlève pas de crédit Price, parce que c'est quoi? Quand il a fait Price, il a été là, man. Ouais, non, mais c'est ça. Il y a du monde, les détracteurs de Price ont dit, ouais, mais tu sais. Ah, ça colle ses détracteurs, il fait juste fait face job, à 15 tirs. Ouais, mais attends un peu, là. Contre les Américains, il a fait 31 arrêts. Ouais. Puis il joue pas contre des tirs poids, là. Ouais, il joue contre les meilleurs joueurs. Contre Patrick Kane, Castle. Tu sais, mais j'avoue que chaque tir est dangereux. Il y en a eu, man. Il y a un gars sur Facebook qui est allé chialer sur le Facebook de RDS, puis qui a marqué que Price avait pas volé le match puis qu'il avait rien fait de Price capable. A pas volé le match, il a été bon. Il a pas eu de match à il voler. Il était bon, il était excellent. Mais il était là quand il fallait. Puis that's il a tout man. Fait les saves. Il y a même du monde qui a dit Price va choquer. T'es confiant le gars. Il est en confiance, il est pas nerveux. Tabarnak, t'es contre l'élite mondiale puis il a alloué moins qu'un but par match. Tabarnak, qu'est-ce que vous voulez de plus? C'est ça que tantôt je jasais avec. C'est parce que c'est ça, mais tu sais, c'est des chialeux pour chialer. Ils sont pas capables de se rendre compte que Price est un top goaler dans le monde. C'est un des meilleurs gardiens au monde. Là. Ben là, s'il gagne un médaille d'or. Ben c'est parce que Price, sérieusement, pendant les Olympiques actuellement, il est juste comme. Il est trop concentré. Il est dans toutes les games. Il va manger 25 tirs, mais des fois, c'est des hosties de shots surprise, des revirements que tu ne vois pas arriver, puis il est tout le temps prêt. Ouais, il est prêt à sortir le blocker. Mais il est quick. Il est fort. Probablement que les 15 tirs, la Lettonie, là, étaient aussi durs à arrêter que les gens 31 tirs des USA. Sur les 15, il y avait 11 chances de marquer. 15 tirs, c'est pas beaucoup, mais c'est ça. Ils tirent pas de loin eux autres parce qu'ils savent que ça ne donnera rien. Hey, la game contre la Lettonie, là, ça aurait pu revirer n'importe quel. La Lettonie, pour vrai, un but chanceux, comme c'est arrivé le premier goal. Canada pas, là. Parce qu'ils ont un goaler qui est dans une zone à part. Ben, lui, il a joué sa vie ce soir-là. Lui, là. On dirait que c'est un gars qui avait comme un gun collé sur la tête. Il a 33 games. Je gagne pas à soir. Je pense que j'en jouais une trentaine de games dans la Ligue américaine. Là. Il joue dans le crunch. Il joue dans le crunch de Syracuse. C'est ça, il va dans la Ligue américaine puis la EC, c'est quoi, East Coast League? La ECW, là. La ECW. La SCHL, est-ce que oui, c'est génial. Justement, on voulait vous parler de votre compte de taxes. Je pense qu'on a tous eu une petite nervosité contre la Lettonie et contre notre compte de taxes. Il y a mané, c'est temps qu'on se casse. Je trouvais ça. Le monde chiale parce que le Canadien, le Canada a compté juste 14 buts dans le tournoi, mais là, jusqu'à date. Donc, plusieurs par deux dans le parce que USA en ont compté plein, de ça. Sauf qu'on n'a pas accordé, gros, on a accordé quoi, 3? Non, mais on n'accorde pas de but, puis on n'en donne pas tant. Tu sais, je veux dire, on ne score pas tant de buts que ça. Puis, c'est ça. Mais on a. Ouais, mais je veux dire, ça n'a pas été de la destruction, là. Les games du Canada, là, avant, là, quand on jouait contre la Lettonie, là. Ouais, non, mais c'est ça. Tous les gars, là, qui étaient sur la glace, là. Il n'y a pas eu de domination. Ils étaient comme tout sur le cul, là. Tu sais, je veux dire, il plantait tout le monde sa patinoire. Je veux dire, c'était les grosses mises en échec. Là, il manque de mises en échec, manque de... Je sais pas, qu'est-ce qui se passe? Parce que moi, ça, Dave, a monté dans le jeu. Dans ta bière, je vais juste avertir. Là, on a un cum shot. Bon, ça y est, faut être explicite sur iTunes. Je l'ai fait mousser. Mets-nous dans la coche 18 ans et plus. Là. Ben, on va parler en finissant de la game contre les Américains, je pense. Là. Est-ce que vous vous attendiez à un score comme ça? Non. Un blanchissage de Price? Non, je m'attendais plus. Comptais pour gagner par un but. Mais... Moi, quand j'ai vu en troisième, quand il a commencé à shifter ses trios, là, du côté des Américains, en deuxième, il a déjà commencé. Ils sont finis, là. C'est comme mode panique. Là, on est obligé de jongler avec des situations qu'on n'a pas fait face. En deuxième, ils ont déjà commencé à changer le style de jeu, puis à essayer des affaires. C'est une équipe jeune, les déjà Américains, là, par exemple, aussi. Ben, sérieusement, les Américains, moi, je trouvais là, leur grosse lacune, c'était la défense. Il n'y avait pas notre profondeur. Il n'y avait pas notre profondeur que le Canada. Ça, c'est clair. C'est une équipe jeune à l'attaque. À l'attaque aussi, on a des lacunes. Mais c'est ça. Mais tu sais, quand tu as Max Pacioretty sur ton 3 puis 4, ouais, mais t'as Kessel comme ton meilleur joueur. Puis Van Riemsdyk, t'as pas de grosse pro... Pour t'sais, de vrai. Hey, nous autres, c'est qui qu'on a en option après ça, là? Si on n'avait pas. On aurait Stamkos. Hey, Bergeron a commencé sa si c'était pas Saint-Louis, OK, ça, faut y penser. Si on n'avait pas Saint-Louis, on aurait Stamkos en line-up qui aurait été dans le first puis deuxième trio. Puis là, c'est rien contre Saint-Louis, mais je pense que ça aurait rentré peut-être un petit peu plus. Probablement. Ben, peut-être que Stamkos aurait généré. Hey, Stamkos Crosby, là. Ça aurait été, fou, malade mental. Ça aurait pas joué ensemble. Crosby n'a pas scoré à date. Oui, c'était ça ce qui était prévu. Ah oui, c'est sûr. C'est sûr, c'était ça qui était prévu. C'était Crosby, Kunitz. Ça aurait été là, de la poésie sur glace. Ah, ça aurait été plus beau que le patinage artistique. Sérieusement, il y aurait des meilleurs scores des jeux. C'est ça le patinage artistique. Arrête, t'aimes ça. Puis là, j'aime pas ça. Mais t'as-tu remarqué, les jupes des filles ont raccourci, man, en patinage artistique. Puis les shorts, ils ont raccourci aussi, la genre faut de canadienne. Faut bien qu'il y ait des codes d'écoute. Sérieusement, ils ont sexié un même petit peu. Même dans biathlon, à ça, les films, les filles se dézippent un peu dans biathlon. Non, mais les shorts ont rapetissé, là, pour vrai, patinage artistique. Je sais que tous les gars ont remarqué. Pour les gars et tout. C'était plus chancré un peu. C'est ça. Le petit blond, là. Là, si, es-tu l'air gay, ce gars? Le Canadien, oh, là. Petit gars. Oh. Ouais, j'avoue que. Lui, là, il n'y a rien qui va pour lui. Mais il y en a un russe, là. Il y a un russe, là, dans le patinage artistique, là. Je comprends pas comment ça qu'il l'accepte, lui. Ah. Et voilà, David, tu vas être coupé par le buzzer. Commentaire pour terminer, incroyable. Dave, c'est l'homophobe des cartes, là. Non. Oh, monsieur Goulag Gay, c'est ça, monsieur. Ouais. Hey, mais je parlais pour Dave, parce que Dave m'avait parlé de ça tantôt. Il disait, on devrait faire des goulags pis gays. Ok, je vais le dire pendant le podcast. Non, mais Dave, c'est correct. Hey, vous, là, c'est pas pendant grave, l'affaire lettre, avez-vous le chant de la Russie, les petites ailes là, sur le champ? Ouais, non, mais ça présente la Russie. Ouais, non, mais nous autres, on avait des petits mains pour livre, les States avec des petits. Ouais, mais c'est ça, toutes les teams avaient comme une affaire en. Moi, excellent, présenté, transparent. Ils l'ont mis blanc. Couleur, ouais, c'est ça. Ouais, c'est correct. Moi, je trouvais ça cool. Non, c'était l'aide. Moi, j'aime ça. Moi, je propose. Ça faisait communiste. Hein. Ouais, c'est ça. Je propose qu'on essaye d'avoir un avis extérieur sur le sujet. Hey, c'est l'air en tabarnak, ce costume-là, Pierre. Oh là! Il semble que c'était mieux l'autre. Non, c'est vrai qu'il était mieux l'autre. Il y a un retour de Pedno qui se vide le cœur. Il y a eu raison, Pedno. L'ancien jersey des Russes. Non, là, il parlait des. Tu sais, c'était-tu quand Kazin est sorti avec l'affaire le Stripe? Tu sais, le chandail, tout comme ça. Non, il parle des. C'est les matchs des. Il parle des sables de Buffalo, je pense. Non, moi, je pense que c'est les matchs des étoiles. Fait qu'on ne saura jamais. On va aller vérifier sur le YouTube. Hey, misons tous sur une situation. Hey, les sables de Buffalo, match des étoiles. Candy Stripe. Candy Stripe. Canadien. La classique hivernale. Ouais, Barbershop. Le chandail Barbershop. Oh, arrête donc. My là. God, ramène-nous pas ça. Ben, c'est ça, on dit aux stalettes. Le chandail du barbier. C'est l'air en tabarnak, ce costume-là, Pierre. Me semble que t'es mieux l'autre. Il me semble qu'il était mieux l'autre. Puis il se parle franchement du fond du cœur. Me semble qu'il était mieux l'autre. Hein. C'est laid en tabarnak. Ben, avez-vous quelque chose à terminer sur les Olympiques de Sochi? Ah oui, ça fait chier, sérieusement. Ça fait chier que Tavares s'est blessé parce que Tavares, pour vrai, j'adorais tout ce qu'il faisait. On a parlé tantôt. Chris, n'a pas parlé de Tavares. On a frôlé le sujet. Tavares, pour vrai, ça me gosse parce que j'aurais aimé ça qu'il soit là à fin. Il était écœurant. Je trouve qu'il n'a pas joué assez. Moi, j'ai une chose à dire. Il est fou, raide, ce joueur. On a dans notre équipe le gardien qui va se rendre peut-être pour la médaille d'or. C'est hot, là. Ouais, quand même. C'est notre gardien de but, Chris, là. C'est probablement le moi, je suis pas la meilleure au monde. Dave est bas des prices, là. Ouais, oui, Dave, oui, Dave, oui, oui, ça me dérange pas, man. Moi aussi. Dis lui, man. Brière, je trouve ça un peu un cœur parce qu'il a l'air d'une pilule, mais il me fait pas triper. Casper. Casper, le teint est pâle. Mais Bryce, ça me dérange pas. Ouais, non, non, Brière, il est blanc à bleu, genre, comme les toilettes Crane. Ça, c'est une couleur qui appartient à Crane, ça, blanc à bleu, genre. Tu le mets devant une fenêtre, là, genre, en été, puis tu fais une radiographie avec. C'est une couleur brevetée par Crane. Ben, regarde, demain, demain, ça va être d'or. D'après moi, au soleil, il brille comme un. Hey, mais sérieusement, la Suède ont vraiment de l'offense, par exemple, là, puis ils ont comme long quiz d'un but. Ça va. Ça va être fou. Avec l'aspect fierté nationale. C'est ça qui est cool des Olympiques, c'est que t'as le côté qui est comme patriote de chaque pays. Mais on gagne en 2006. Sérieusement, Lettonie, s'ils ont eu du succès, c'est le côté, je pense, patriote, les gars qui sentent. Ouais, les deux, trois Lettons qui restent dans le pays. Hey, parce que tout le monde est parti. Non, mais t'as ta chance contre le Canada. T'as ta chance contre le Canada, tu fais comme, ok, ça, c'est tous des gars qui ont montré qu'ils pouvaient jouer. On va se donner, puis on va. Ça, j'ai trouvé j'admire ça. J'admire ça, qui on est cool. Dire ouais, que Chris, on est capable d'aider, puis checker, puis ça non, donne la pièce. Lettonie, c'est juste une équipe que tu peux te lever, puis les applaudir, parce que. Le seul but de toutes les autres équipes, c'est de nous battre, nous autres, puis les Russes. Fait que, contre la Suède, ça va les être deux cool. Powerhouses ouais. Du hockey, c'est les Russes, puis le Canada. La Suède, moi, c'est un saut que je trouve quand même. J'ai toujours aimé leur comme gold, puis bleu, je trouve ça flash, là, pour vrai. Avec les couronnes, je trouve ça beau comme. Ah, il est cool, moi, j'aime. Puis le jersey de la Finlande était vraiment hot aussi. C'est juste nice. Pas pour le ouais. Monde qui écoute le podcast parce que c'est sûr que la game a été jouée entre le Canada là, puis c'est une si belle victoire du Canada. Ben, sérieusement, hey, allons-y nos prédictions, on va voir tout de suite si c'est vrai ou pas. On gagne 3-2. Médaille d'or, moi je pense qu'on va gagner un match serré aussi. 3-2. Ben, c'est 3-2. Moi je dis 2-1, moi, juste pour dire différent. Dave dit 2-1. 3-2. Moi, sérieusement, moi là je pense que le Canada a pas loué plus qu'un but. Combien notre spectateur aussi dit 2-1, il dit comme Dave. Bon. 2-1. Moi, sérieusement, je pense que le Canada va péter une coche et ça va être 5-3 pour ben, Canada. Ça dépend. S'il y a le réveil. Ça aurait presque le goût de dire ça, mais je ne le dirais pas. Moi, sérieusement, c'est ça, je pense. La situation qui va faire ce que Marc dit, c'est si Crosby. Parce que là, man, c'est dans sûr. Dans le dernier game, c'est il score. Mais c'est sûr que ça va finir par Crosby. Débloquer, man. Hey, sérieusement. Si c'est en dernière, man, ça va rentrer. La, mon gars, bing, bing, la dernière game, j'avais prévu un but de Crosby. Il est malade. La POC, là, elle se ramasse tout le temps sur le tape d'un joueur. À chaque fois qu'il est en contrôle de la POC. Ce gars-là, il perd pas. Non, il perd pas la mais rondelle, sa passe man. Aboutit tout le temps à quatre parts. Il fait comme une déviation sur la bande. On aura beau ça, dire, ça atterrit sur le tape d'un joueur de son cry équipe. Baby, Crosby, on s'en calisse. Non. Les joueurs, c'est man. Le meilleur joueur il tient, au là, monde. Il est solide. Pendant deux semaines, c'est notre capitaine. Après ben, c'est ça, hot. Après ça, je vais essayer de voir. Je vais regarder Crosby. Les joueurs, puis la chimie. Tu sais, comme, tu sais, il se parle, puis tu sais, il s'appelle Crosby. Il a fait des commentaires après le blanchissage de Price. Tu sais, il disait, ah, Carey kept us in the game. Il genre, joue le même team, c'est ça. Il y a de l'unité, là. Carey, tu sais, c'est pas comme our goalie. C'est vraiment Carey, mon gars. Puis tu sais, ils ont l'air d'avoir une chimie. Ils se développent une relation avec les joueurs pendant ce temps-là. Ils n'ont pas le choix, là. Faut que tu marches de même, sinon t'as pas de chimie. Non, fait mais c'est fait qu'un peu de victoire ou défaite, là. Ben, j'ai une autre victoire. Je vais dire 4-2, moi, d'abord, pour Canada. Oh, toi, tu penses que ça va péter, genre? Ouais, 4-2. Je change mon affaire 4-2, Suède. 6-0. Mais Suède, sérieusement, ils ont une belle équipe, puis beaucoup de punch offensifs. Price va faire un deuxième blanchage, puis. Boom! Pis si là, Price fait un quiz, blanc, là, il va nous coûter quiz. Cher, man, quand on va renouveler, ah, ben, là. Il est bon encore un 4-5 ans, non, fait que 4 ans, 3, oh, sinon, bon, moins que on ça, reviendra sur la dernière game olympique dans le prochain podcast. Fait que, on commencera avec ça. Ça ouais, on va commencer avec ça. Avant la période, on va en parler. En tout cas, tout le monde. Bonne game, tout le monde. Bonne game demain. Tout le monde à Suède. Yeah. Pour ceux qui nous écoutent live, sinon, ben, écoutent, j'espère que vous avez écouté une bonne game. Ouais. Si vous l'avez déjà vu puis vous écoutez après, ben, mangez de la merde. Alex avait raison. Ceci aura été dit. Ça a été dit, fait que, on se revoit dans deux semaines pour un autre épisode de la soirée du podcast. C'est